Des jeunes générations de notre pays, le Cameroun, et comme dans tous les autres pays de l'Afrique, ne connaissent même pas comment les anciens ont versé du sang pour qu'on parvienne à obtenir la liberté et le libertinage qu'on a aujourd'hui. Pour le cas de notre Cameroun, il y a eu un temps dans ce pays, on appelle la lutte pour l'indépendance, où les gens ont dû verser du sang pour qu'on obtienne ce qu'on a aujourd'hui. Il fut un moment où la liberté d'expression n'était même pas possible dans ce pays. Mais nous en avons aujourd'hui. De la même façon pour l'Église, on est sans ignorer. Beaucoup sont là, du moins dans l'ignorance, par rapport à tout ce que les gens ont subi pour qu'on puisse avoir les écritures que nous avons aujourd'hui. On a brûlé les gens tout simplement parce qu'ils ont dû traduire la Bible en langue vulgaire pour que les gens puissent avoir accessibilité à cela. Dans les Bibles que nous avons aujourd'hui, les gens ont payé de leur vie pour que nous ayons cela. Combien serons-nous reconnaissants vis-à-vis du Seigneur qu'il ait permis que des martyrs, des gens aient décidé de donner leur vie pour cela. Et maintenant, quand bien même ces personnes n'ont pas expérimenté ce qui leur a été promis, comme dans le cas de la politique du monde, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'indépendance, beaucoup de gens sont morts, empoisonnés, fusillés, découpés, martyrisés, d'autres enterrés vivants, d'autres soustraits de leur famille, tués dans des brousses, jetés dans des cachots, dans des mares d'eau. Mais leur sang a parlé en faveur de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Donc ils n'ont pas eu accès à ce c'est pourquoi ils luttaient. De la même façon pour la Bible, des gens n'ont pas eu accès à ce qui, c'est pourquoi ils défendaient. Mais pourtant, la Bible est toujours là aujourd'hui. Et nous sommes là aujourd'hui, les artisans. Donc je me demande bien si l'histoire, si les chrétiens véritablement aujourd'hui connaissent l'histoire de leur propre fondation. C'est-à-dire que la base, le passé de l'Église. Et sinon, on ne maîtrise pas le passé. C'est pourquoi les gens ont tant langui. C'est pourquoi les gens ont souffert jusqu'à laisser leur vie. Est-ce qu'on connaît la direction là où le Seigneur est en train de nous envoyer? Est-ce que les gens ont lutté pour le cadre du pays, par exemple, en vain? Voilà, c'est ça qui porte du fruit. Alors, qu'en est-il des Saintes Écritures? Les gens ont lutté pour cette Sainte Écriture, pour les préserver. Durant des âges des ténèbres, on a brûlé carrément les gens qui possédaient cela. D'autres étaient appelés sorciers. On mettait des superstitions sur la Bible que si tu lis la Bible, tu vas devenir fou. Si tu cherches trop, tu vas devenir fou. C'est réservé au cas, aux classes des prêtres. Donc je me demande bien si l'Église, nous sommes ici aujourd'hui, nous connaissons là où cette histoire nous amène. C'est-à-dire que si la Bible nous est donnée, là où ça nous amène. Est-ce que vous comprenez? Alors dans ces cas, il faut que nous prions, que tu nous donnes la révélation dans sa connaissance. Pour que nous voyons avec tous les saints, la sagesse infiniment variée. D'accord, bien-aimés? C'est-à-dire que la profondeur, comme dans ces Éphésiens chapitre 1 et chapitre 3, la Bible déclare qu'on comprenne les profondeurs et les grâces et l'espérance qui s'attache à son appel. C'est ce que l'apôtre Paul a prié. Il dit qu'à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire les familles des cieux et de la terre. Est-ce que c'est ça? Donc, quand il regarde l'excellence des révélations, les promesses qui sont données à l'Église, il dit qu'afin qu'on puisse comprendre avec tous les saints. Donc, jusque-là, on n'est pas dans la compréhension de ce que Dieu réserve pour les saints. Prions que Dieu nous donne la révélation de sa connaissance. D'accord, bien-aimé? Prions, prions. Prions que l'Église ait la connaissance même des plans du Seigneur. Seigneur, je vais être libre de tout ce qui peut me tenir, Seigneur, toutes tes pesanteurs, Majesté. Seigneur, je prie à ton nom, Seigneur, que tu me libères de toute forme de pesanteur, Seigneur, m'accordant l'accès, Majesté, à cette révélation. Je vais être libre de te servir, Majesté. Et en vivant par cette connaissance, moi, de toi, cette connaissance, cette révélation, celle-là qui ne vient que de toi, oh Dieu. Tu es fier. Seigneur, accorde cette révélation. cette révélation qui a changé le cours de la vie de plusieurs personnes passées et qui n'était que les premiers Seigneurs. Oh, Saint-Esprit, dit au nom de Jésus. M'accorde également. Alléluia. Seigneur, alors que l'Église est dans l'attente de cette visitation que tu as promise pour cette heure, nous nous sommes rassemblés, Seigneur, dans l'attente de ta promesse. Et nous nous soupirons, ô Dieu de gloire, encore ce soir auprès de toi, afin que tu accomplisses tes desseins dans l'Église et pour l'Église, et au travers de l'Église. Nous nous soumettons entre tes mains, Père de gloire, afin que nos cœurs soient soumis sous ta parole, que nos volontés soient soumises à la tienne au nom de Jésus. Je prie pour chacun de nous ici, au Père, je te présente mon cœur, je présente le cœur de ma sœur, le cœur de mes frères, et tous ceux qui sont encore en route pour ici, Père, je prie, ô Dieu de gloire, que tu rencontres quelqu'un dans son attente au nom de Jésus. Amen. Je prie, Père de gloire, que tu révèles la chose, c'est pourquoi telle ou telle personne est ici, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie, Dieu de gloire, que tu nous formes toi-même pour cette sainte édifice dont tu as destiné pour ta gloire. Et je prie, Dieu de gloire, que si un pied fléchissait, ô Dieu de gloire, d'un côté ou de l'autre, que ce soit, ça se referme et ça sera fermé par le nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu de gloire que donne-nous à chacun de nous ici de courir la ligne droite, Père de gloire, pour le salut, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que pour nous qui étions ici, qui ne négligeons encore la lecture, la méditation de la parole, ravive nos esprits, Père de gloire, afin que nous comprenions, Seigneur Dieu de gloire, la grâce qu'il y a de méditer et de rester à tes pieds à contempler ta gloire. Révèle-nous tes profondeurs, Père, car tu as dit les choses cachées sont pour toi et les choses révélées sont pour tes enfants. Seigneur, nous voulons des choses révélées pour nous à cette heure, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bonsoir. Veuillez nous asseoir. Dit le 1er octobre 2014. C'est ça, n'est-ce pas, bien-aimés? Mercredi 1er octobre 2014. Donc, vous êtes les bienvenus encore aujourd'hui. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur. Dis-lui que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, la communication du Saint-Esprit soit avec toi, demeure avec toi et avec ton esprit pour toujours. Amen. Donc, y a-t-il des questions avant que on aborde? Y a des questions? Oui, frère. Marc chapitre 8. Amen. En ce jour-là, une foule nombreuse étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Amen. Frère, je veux savoir, si on parle de la foule, pas des disciples, c'est différent par rapport à nous, puisqu'il a été 3 jours de prédication sans manger. Ça m'étonne, frère, comme tout comme toi, tu écoutes comme ça là. Quand moi je prêche une heure, on dit que j'ai dit tout. Et quand j'étais dans la prière aujourd'hui, j'étais en train de regarder encore ces aspects-là, par rapport à la longueur des prédications. Je voyais comment pour restaurer le temple de Dieu, Ezra a dû mettre un estrade, monter, prêcher. La Bible déclare qu'on a prêché du matin jusqu'au soir. J'ai remarqué comment l'apôtre Paul a dû prêcher jusqu'à ce que quelqu'un est tombé, il est mort, il n'a pas arrêté l'évangélisation. Il a prêché encore jusqu'au matin. Oui, frère. Je regarde dans Actes chapitre 28, comment il a pris les gens dans son logis où il avait loué à Rome. Il a accueilli les gens, il parlait des discours sur le royaume en chantant les Écritures pour convaincre que Jésus était le Christ. Il a même dit que la discussion du matin jusqu'au soir. C'est terrible seulement, frère. Donc ça m'étonne. Qu'est-ce qui était au pied de Jésus-Christ pour que Marie puisse s'asseoir là-bas, ouvrir la bouche comme ça pendant que moi, en train de chercher? Toutes ces choses-là, c'est pour nous enseigner, frère. Et lorsque le Saint-Esprit commence à t'amener là-bas, ça veut dire que Dieu veut t'enseigner à toi, toi qui viens de l'Église, là, quelque chose. C'est-à-dire par rapport à... C'est 3 jours, comme tu as lu. Ils ont suivi Jésus, ils n'ont pas été sur place. Ils ont suivi Jésus-Christ parce que par la suite là-bas, Jésus va dire, faites-les asseoir. Ils sont assis, il y avait des grandes herbes là-bas. Ils sont assis, donc ils ont quitté leur ville, leur village, leurs activités pour écouter Jésus. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à nous pour s'asseoir pendant 3 jours pour écouter Jésus? Parce qu'oublions de manger. C'est ça, frère. Mon problème tout là, c'est que c'est la foule, c'est pas le disciple. C'est la foule, c'est pas le disciple. Et la Bible déclare que Jésus a eu de la compassion. Et aujourd'hui, nous, les disciples, on dit qu'on prêche, on dit trop. On regarde l'heure. Dieu merci, il n'y a pas cette heure-là ici aujourd'hui. Hein, frère? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'attraction qu'il y a là-dedans. Mais je dis, quand ces choses se sont révélées, ça m'étonne moi-même. Par rapport à nous, je dis, qu'est-ce que ça nous donne? La soeur n'a pas bien ou bien il y a quelqu'un derrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le Seigneur Jésus? Ou mieux, qu'est-ce qui attirait avec cette foule-là? Souvenons-nous, on a dit la dernière fois que beaucoup de personnes, chacun vient pour sa part. Je crois que c'est ça qui ferait mieux de quitter. C'est pour que quelqu'un puisse s'asseoir, n'est-ce pas? Le sang ne s'asseoir pas. Pas vraiment ça. Donc, frère, il y a quelque chose de particulier. Donc, voici donc la chose. Au fur et à mesure que le Seigneur va avancer avec la foule, il y a des gens, il y a les indécis. Il y a des gens que c'est au fur et à mesure qu'ils marchent avec lui, qu'à un moment donné, quelque chose de particulier va arriver pour qu'il avance. Ce n'est pas au premier coup. Remarque bien, si tu prends l'événement des pains des gens, chapitre 5 et chapitre 6, les gens qui ont mangé le pain vont l'inciter par la suite. Ceux-ci, quand ils vont manger le pain, vont dire que ça, c'est vraiment le prophète qui devait venir. La Bible déclare qu'il voulait l'arrêter pour le faire roi. Jusque sachant, il a dit qu'il faut aussi qu'il parte dans d'autres bourgades pour envoyer, parce que c'est pourquoi il a été envoyé. Donc ça veut dire que ceux-là le considéraient. Cette foule, ce n'était pas comme les autres foules. Les foules les plus repostantes, les plus dures avec le Seigneur Jésus-Christ avaient été ceux de son propre peuple. Quand il passait dans les bourgades qui n'appartiennent pas aux juifs autochtones, les gens le recevaient. Voilà ça, frère. Donc je suis surpris tout comme toi. Il y a des choses qui m'éveillent, qui m'étonnent dans la Bible, tout comme toi. Mais si tu vois ces choses, ça attire ton attention. Dieu veut t'enseigner là derrière. Toi particulièrement. C'est-à-dire que où est-ce que tu te places, disciple ou foule? Si tu avais été là-bas, où tu placerais-tu? Serais-tu rentré depuis le premier jour? Autre question? Y a-t-il des questions par là? Donc tu as pris, tu les as débarrassés. Ça va? Oui. Bon, frère. Frère, j'ai une question. La dernière fois, vous avez posé la question ici sur les âmes qui meurent, celles qui sont les âmes à part. Oui. Et dans Ézéchiel 14, au verset 14, oui. On parle de Daniel, de Noé et de Job. Et je lis au verset 14. Et il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, qui sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Au départ, j'ai cru que c'était une erreur. Pourquoi amuser au Seigneur? Pourquoi les trois personnes qui ont vécu trois époques de temps? Le est écrit comment? Au singulier. En fait, ça c'est pas une connotation spirituelle, c'est une connotation même littérale. On dit qu'en littérature, si le était accordé, alors les âmes devaient être accordées. Ça c'est la littérature maintenant là. Non, c'est pas une seule âme. Quand il parle de leur âme, il dit que ça c'est la littérature, mais ça c'est pas quelque chose de spirituel. Quand il dit que leur âme, ils sont venus ici. Si il dit par exemple que Ferrand, comment s'appelle le frère là et l'autre frère là, sont venus ici, ils ont pris leur chaussure. S'il dit, ils ont pris leur chaussure. Je dis, il peut mettre leur avec S et dans ce cas, chaussure s'accorde. Ça ne met pas leur et dans ce cas, chacun a pris sa chaussure, d'accord frère? Que ce soit dans le cas où il y a le pluriel ou là où il y a le singulier. Alors, on n'a pas un professeur de français ici. C'est au nom qu'il y a un professeur de français qui m'a aidé dans la prédication. Donc, c'est ça, frère? C'est exactement ce qu'ils sont dit, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est le français, tout simplement. C'est pas un problème biblique, c'est ni un problème spirituel. C'est que si on écrivait avec S, âme devait s'accorder. Et dans ce cas, ce n'est pas une âme pour les trois, c'est que chaque personne a son âme. Donc, c'est le problème français de l'accord grammatical là-bas. D'accord? Il y a seulement les professeurs techniques ici, là. Ils ne maîtrisent pas les. Vous savez, j'étais en train de prêcher au nord. Et il y a une chose que je n'ai jamais remarqué dans la Bible. C'est pour ça que vous comprenez que chaque personne qui est dans le corps a sa place. Il y a des juristes dans la Bible, il y a des enseignants des sciences naturelles, il y a des enseignants de la technique, des écosofa dans la Bible. Je vous le dis. Alors qu'il est allé prêcher, le pasteur qui était debout, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a dit que, vous dites que les dénominations n'ont pas de nom, il a dit que dans cet acte chapitre 3 où on prenait cette monsieur là pour, vous savez, quand on est l'apôtre Pierre et Jean partaient à la prière, on dit qu'il y avait un monsieur qui était malade là. On a dit qu'on a mené sur la porte, devant la porte, appelée la belle, le portique. Comment ça se passe? Si, mais le porte du temple, appelée la belle. Ce frère-là, le pasteur-là, s'est tenu là-bas. Il dit que le temple-là était appelé la belle. Donc, ça veut dire que c'est une dénomination. Dénomination. Ah. Vous savez, oh, je suis tenu là. Je dis, vous lisez seulement la Bible. C'est que vous ne pouvez pas aller dans la Bible et c'est le tort de la Bible. Quand vous dites la vérité, même si vous ne regardez pas l'écriture, l'écriture vous protège parce que vous êtes dans la vérité. Alors je lui dis, je suis debout, comme je suis là devant vous sans la Bible, c'est eux qui ont la Bible assis. Je lui dis que ce n'est pas ce qui est écrit, frère, ce n'est pas ce qui est écrit. On ne dit pas que c'est la porte, le temple qui est appelé la belle, c'est la porte qui est appelée belle. Donc c'est la porte. J'ai voulu lui expliquer comment était formé le temple, les différentes portes à l'Orient, en Occident, à midi et autres là. Il n'a pas voulu comprendre parce qu'il voulait me montrer. La sueur, il m'a poussé debout comme ça. D'abord il était géant. Je me suis reculé au milieu de la foule comme ça là. Il m'a poussé pour jusqu'à aller devant la foule pour dire que la porte, si par exemple c'est la belle, il parle. Vous allez suivre l'enseignement là, je vous dis, c'est terrible. On devait me lapider là-bas ou non? Un professeur de français, il peut écrire là-bas, il a levé la main. Il parle posément, comme Papa Tani là. Il dit que regardons encore ces versets, on regarde. Il dit que, prenons sa comment Acte chapitre 3, regardez aussi. C'est pas, depuis là, je n'ai pas encore vérifié pour savoir ce qu'il en est. Donc au niveau de là, on parle des belles portes là, ou quoi, quelque chose comme ça. Lise à moi, frère. Acte 3, à partir du verset 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. Oui. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Stop, c'est là. Or maintenant, le professeur de français, je lui dis que c'est la porte qui appelle la Belle, c'est pas le temple qui appelle la Belle. Parce que si c'est le temple qui est ici appelé la Belle, alors ils ont le droit de mettre leur temple full gospel. C'est n'est-ce pas? Ils ont le droit de mettre église évangélique. Parce que c'est tout le temple. Or, le professeur français a attiré. Moi, j'étais debout comme ça, en train de parler. Que frère, c'est parce que la Bible dit, il est debout avec la Bible. Le professeur français lui dit que regardez bien. En français, appeler va nous indiquer qui est-ce que ça réfère. Et c'est au féminin. Donc, Dieu merci, le temple n'était pas au féminin. Parce que si le temple, on disait la temple, on devait avoir un problème là. Alléluia. Donc, il n'y a rien qui est placé dans votre Bible au hasard. Alors, un esprit, l'esprit qui était allé, il voulait comme ça démontrer qu'on peut construire un endroit, on met le nom là-bas. Et c'est ça qu'il prenait. Or, appeler, il prend ça parce que le frère a pris le truc de leur âme là. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ici, le français, en traduisant, on a mis appeler, accent aigu, mais pour montrer que ça se réfère plutôt à la porte et non au temple. Donc, c'est la porte qui appelait la Belle. Alors, j'ai même voulu expliquer pourquoi on a même appelé ça la Belle. Le fait qu'il criait, je n'ai plus rien dit. Je restais tranquille. Donc, je prends seulement des choses pour vous montrer, pour que vous fassiez attention quand quelqu'un devant vous. Parce que quelqu'un va te dire que voilà le temple qui appelle Belle. C'est n'est-ce pas, frère? Et bien, c'est un professeur de français qui a attiré notre attention là-dessus. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Autre question là, avant que. Je vais vous raconter certaines petites histoires maintenant. Avant d'aborder ce soir, si Dieu le permet. Je sens de voir vraiment si c'est le moment de placer ces choses-ci. Donc, nous remercions le Seigneur pour la sœur de notre sœur. Celle qui était enceinte ici, qui a accouché par césarienne, c'est ça? Elle ne devait pas accoucher par césarienne. Pas vrai? Elle ne devait pas accoucher par césarienne. Maintenant, tous ceux qui étaient ici, quand je suis venu ici un de ces jours, j'ai demandé que lisez un passage, deux passages. On a lu dans un roi et puis on a lu dans Esaïe. Je vous ai dit que c'est enceinte. Je vais vous dire pourquoi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je vais vous parler maintenant. Je vais avancer doucement. Je vais donner une première partie pour que vous compreniez. J'ai dit, si tout le monde, vous étiez ici, vous avez suivi cela. On a lu particulièrement là où le prophète est avancé au milieu de l'assemblée, enfin, devant Ézéchias. Il a dit que il dit, donne tes ordres à ta maison car tu mourras. Et je me suis arrêté là-bas. Il dit que c'est enceinte, pas vrai? C'est contenu, lui, cette chose de cet accouchement, c'est contenu dedans. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter un message prophétique. C'est-à-dire que cette sœur-ci aimerait que je dise que tu prospéreras au nom de Jésus. Le réflexe, c'est quoi? Quelle est sa réaction? Amen. Voilà. Sur d'autres, on dit quoi? J'arrache. Mais maintenant, dis-lui que la volonté de Dieu, c'est que tu passes par telle difficulté. Et que le prochain mercredi, tu ne la vois plus ici. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit bien, dis à quelqu'un que là où tu es là, tu es mal barré. Il y aura un accident qui va arriver, par exemple, et on va couper tes pieds. C'est normal que ton pied soit coupé. Il dit, frère, est-ce qu'on peut prier que ça n'arrive pas? Parce qu'elle souhaiterait avoir deux pieds. Mais dans cette volonté-là, c'est que Dieu voudrait qu'il y ait un pied. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a des façons de transmettre ce genre de message-ci. Et ce n'est que comme ça qu'on peut transmettre ce genre de message. Et je vous avais dit que c'est enceinte. Cette parole-là est enceinte. C'est enceinte des triplets. Donc, un est sorti. Il manque encore deux. Donc, quand quelqu'un est assis là, vous voulez accoucher, vous nous dites, si vous venez, vous dites, cet accouchement, si ça va conduire. Je parle maintenant parce que si les deux, ce n'était pas les parlerait pas. Donc, j'ai dit que je vais vous raconter des histoires ce soir. Alors, si on le dit comme ça, souvenez-vous, j'ai demandé au frère Achille de prier ici pour elle. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, si elle lui dit que par César, ça va arriver au niveau de la sélection, de regarder que ça va arriver. Oh, j'en ai vu des cas. Elle n'est pas le premier cas. C'est à cause de ce premier cas-là que j'ai parlé de cette façon-ci. Il y a une femme qui n'accouchait pas. Je crois que ma femme doit connaître cette femme-là. Elle est venue compris. Je veux un enfant. On a prié. L'enfant est entré. Il dit, fais attention avec cet enfant. Elle doit accoucher normalement. Elle est allée à l'hôpital. Le docteur dit que l'enfant se place comme ça. Il dit que avant que tu ne conçoives l'enfant, Le docteur avait d'abord dit quoi? Que tu ne peux pas accoucher. Maintenant, qui a dit que tu vas accoucher? Dieu. Dieu sait pourquoi il a placé l'enfant comme ça, c'est pour sa gloire. Elle a fugué, ça ne peut pas la laisser. Elle allait couper pour avoir l'enfant. Maintenant, comme elle a coupé pour avoir l'enfant, il n'y aura plus jamais d'enfant, même si on met l'enfant dedans. Est-ce que c'est ici? Oh, maintenant, les instructions qui étaient données étaient bien détaillées. Elle n'a pas suivi. Donc, la grossesse sera difficile, mais prends courage, ça va arriver. Non, ça fait trop mal, docteur. Le docteur, soit tu décides qu'on opère, ou bien toi tu vas mourir. Moi, vous mourrez, mais opère mon ami. Là, la chair est entrée. Alors, si j'ai des messages, dis à quelqu'un, une femme qui est enceinte, vous savez, quand on est enceinte, on est assaillie par tout genre d'esprit. Mm-hmm. Pas d'esprit de pensée. Tu dors comme ça, les rêves que tu fais. Si une femme enceinte te raconte les rêves qu'elle fait, c'est que tu vas confirmer ce qu'il en est. Alors, donc c'est mieux donc de donner ces genre de messages de cette façon-ci. Donc, je peux venir par ici, l'une des personnes se trouve par ici. Je parle, je dis, on voit. Faites dans les ordres à ta maison, tu vas mourir. Donc, c'est enceinte. Donc, cette parole est enceinte. D'accord? Cette parole est enceinte. Dieu merci, parmi les paroles, la parole était enceinte de quelqu'un qui était aussi enceinte. La personne a accouché. Donc, c'est dit, ça va conduire à l'opération. L'état psychologique qu'elle aura n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'il faut être mature pour transmettre le message. Si tu n'es pas mature, Dieu va te donner le message. Tu vas gâter les gens avec cela. C'est pour ça que je vous ai dit les choses. Je vous ai dit comme ça. Après, j'ai détourné la conversation. Je suis entré dans une autre chose. Donc, je vous dis là maintenant que c'est parce que le message là, c'est que il y a des situations difficiles qui vont arriver à certaines personnes dont Dieu est au contrôle. C'est ça, là, n'est-ce pas? C'est ce message. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces personnes se préparent. C'est ce que le message voulait dire. Quand le prophète vient, il dit, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Ça veut dire que donne des ordres. Prépare-toi, quelque chose est censé arriver. C'est le message là-bas. Que si c'est bon, on peut dire. Maintenant, là, par exemple, on peut se tourner. Maintenant, on voit quelqu'un. Je ne sais pas qui, on peut piper. On dit quelque chose de bon. Maintenant, là. On dit quelque chose de bon, tout simplement. Maintenant. Où est le frère quand il devait avoir l'argent? Là, l'argent, là, il est parti. Donc, frère, ce genre de message, des messages difficiles, je n'aime pas ça. J'aime quand le message est difficile, que c'est quelque part à l'extérieur. Alors, on peut dire, comme maintenant, là. Vous savez, le parti au pouvoir, je dis ça maintenant, nous sommes le 1er octobre 2014. Donc, si ça arrive, vous comprenez. Maintenant, je peux appeler son nom, parce que quel qu'en soit le cas, que si ça arrive, il ne sera plus là pour me faire quoi que ce soit. Mais maintenant, du moment que ça se passe maintenant, du moment que je déclare maintenant, vous savez, les prophètes se sont attirés eux-mêmes des problèmes dans l'Ancien Testament. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Quand Jérémie, quand Miché, fils de Dima, s'est tenu devant ces prophètes-là, vous dites que l'autre s'est tenu devant lui, il a donné une gifle comme ça, là, tu prophétises ta maman là. L'Esprit de Dieu est sorti sur moi quand vous venez sur toi pour prophétiser. Qui t'a ordonné, prophète? Vous vous souvenez de ça, de 1 Roi chapitre 22. Michel Seman s'est tenu devant que tu le sauras le jour où tu vas entrer de chambre en chambre. Tu vas confirmer. Or pourtant, Michel disait la vérité. Il dit clairement que je me suis tenu là-bas devant l'assemblée des cieux. Un esprit sorti devant l'Éternel en disant que je vais entrer dans l'œuvre de Dieu. Les gens, les prophètes de l'autre côté étaient convaincus qu'ils prophétisaient par l'Éternel. Mais c'est un esprit séducteur qui tentait de parler. Le vrai prophète était là. Donc les deux étaient dans deux camps différents. Et c'est le faux qui est venu gifler le vrai. Vous savez, mes frères. Donc, la façon dont je vais poser, c'est si vous allez comprendre, si vous suivez l'actualité camerounaise, si vous connaissez au moins la politique, vous connaissez donc parce que c'est clair. Mais, avec ceci, mais je ne sais pas s'il faut citer le nom, mais de toute façon, je vais revenir sur ce message, je vais encore revenir sur cette chose pour parler. Le parti au pouvoir fait des alliances avec des partis. Le parti qui est au pouvoir maintenant a fait des alliances avec un parti politique. Donc, l'un des principaux partis politiques, leur chef se trouve au nord. Alors, pendant que tu es en éprouvé, j'entends le journal dans la vision. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, j'entends au journal, on a donné lui le journal pour dire, ce chef, ce qui a fait l'alliance avec le parti du pouvoir, il était un commis de l'État. Vous entendez, n'est-ce pas? Qu'il était. Il a travaillé vraiment pour ce pays. Il a travaillé vraiment sur Abidjan. Il a même travaillé avec celui-ci qui est le président de ce pays maintenant. Maintenant, comment c'est Alain Parfait? Vous voyez ça, frère? Comment c'est Alain Parfait? Parce que c'est ici. Les choses qui sont éloignées, c'est quand même qu'on peut envoyer une roquette, c'est pour ça, propre, c'est moi seul. Donc, là, je peux parler avec les noms. Alors, qu'est-ce que le pays qui est dans le froid, Vladimir Poutine, fait dans le monde des ténèbres, dans le souterrain? Comment quelqu'un peut aller s'échanger, devenir une créature autre et rentrer, s'habiller en veste au milieu des gens? Qu'est-ce qu'il en peut faire? Donc, quelque chose est censé lui arriver qui va encore rehausser son blason. C'est-à-dire que ça va l'amener sur le plan public, il sera fort. C'est vrai. Il dit que vous racontez, c'est une petite chose qui sont d'arriver. Donc là, j'ai appelé son nom. Si vous bombardez le Cameroun, il ne serait pas aussi le seul à mourir. D'accord, frère? Maintenant, j'ai vu deux drapeaux côte à côte. Ceci, je vais prier davantage pour savoir de quoi il est question. Mais des choses, si pour Vladimir Poutine, je vous ai dit clairement de qui il est question. Pour le premier également, je vous ai dit clairement de qui il est question et de quoi il est question. Pour l'autre ici, maintenant, je ne sais pas de quoi il est question. Donc, j'ai vu deux drapeaux. Normalement, quand on met ce fer là, le drapeau est à l'extrémité et c'est bien tendu. C'est-à-dire que quand on dresse le drapeau, on tire le fil là. Le drapeau monte, ça flotte au vent vraiment bien. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, voici deux drapeaux. Ça, c'est le drapeau américain. J'ai tant de regarder sur le drapeau américain. Et côte à côte, il y avait le drapeau brésilien. Mais c'est rabaissé, c'est tombé un peu. Qu'est-ce qu'il y a de. On dit Amberne. Qu'est-ce qu'il y a de commun là-bas? Allez, les drapeaux sont rabaissés un peu. Est-ce que c'est un niveau? Donc ça c'est le drapeau brésilien que j'ai vu, c'est le drapeau américain que j'ai vu, drapeau brésilien et américain, vous comprenez frère? Donc les 6 choses ici, pourquoi le Seigneur montre tout ceci? Pourquoi le Seigneur montre tout ceci? Dans la même vision j'ai vu l'une des femmes ici, dans une d'autres visions j'ai vu une femme ici, on était devant le Seigneur ensemble, elle est assise là ce soir. Le même comportement que je vois ici, c'est le même comportement que j'ai vu là-même devant le Seigneur. Mais Dieu merci pour ce que le Seigneur a dit d'elle. Elle est assise là ce soir. Donc courage seulement. Courage. Donc je ne sais pas si ce soir on peut entrer dans le monde spirituel, se balader un peu. Je ne sais pas si on peut ça, aller dans le monde spirituel, se balader un peu. Vous vous souvenez, l'une des fois ici, je vous ai dit ici là que, dans une prédication, je vous ai dit que, alors que nous sommes assis comme ça, chaque personne vient, chacun a son intention. C'est-à-dire que chacun a une attente du Seigneur. D'autres viennent pour la guérison, d'autres viennent pour ici. Pour les femmes qui avaient été là, souvenez-vous de la femme qui est venue à l'opéra, elle avait les perforations du poumon. Ce sont de ces choses comme ça qui fait que je dois rester dans la parole pour prêcher, parce que c'est la parole qui est importante. Elle est venue avec les perforations du poumon, elle pouvait être régulière, parce qu'elle est venue une, deux, trois fois, tant que son problème n'est pas résolu. Elle est venue une fois, deux fois, en ce temps-là, j'avais voyagé pour Yaoundé. Je suis rentré la soirée. Quelles sont les femmes qui étaient là le jour-là? Vous avez été là-bas. Ok, c'est toi qui l'avais pêché debout. Donc c'était à côté de toi qu'elle était, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pendant qu'ils sont sortis de la maison, j'ai oublié. Les scènes comme ça, je ne peux pas les oublier parce que c'est pour que je puisse enseigner véritablement. Je me souviens, mais je suis sorti avec ma Bible. J'ai parti déposer ma Bible sur la chaise. Après, je me suis tourné vers elle pour dire, madame, à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a dit? Perforation du poumon. J'ai dit, alors tout à l'heure, on va prier pour toi. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? J'ai parti déposer la Bible là comme ça, quand le Saint-Esprit est venu sur moi, que c'est maintenant. Je me suis tourné, je voulais m'aventurer, je ne pouvais pas avancer. C'est cette femme-ci, maman Tanya, qui était debout, devant à distance, c'était comme ça, boum! J'ai senti quelque chose sortir comme le tourbillon de ma direction, aller dans sa direction. Je crois que ça, comme tu étais tombé au sol, tu la soutenais seulement. Après, quand elle est sortie là-bas, c'était terminé avec sa maladie. La question maintenant, c'est. Il faut que cette soeur s'assoie. Viens, ma soeur, viens. Viens. Patani. Donc, tu as décidé que personne ne s'assoie ici. Non, il y a un enfant là-bas. Il faut laisser l'enfant là dans la liberté. Voici les chaises. Viens, t'assoie ici, ma soeur. La question, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu guérit quelqu'un? Elle a été guérie. Après la guérison, je crois qu'elle est venue une fois. L'autre fois, vous savez, il y a des façons de parler. Elle est venue. Je la vois, elle est. Il dit, maman, tu es censé aller dans la réunion. Elle a gardé sa voiture dehors. Elle avait mis le rouge à l'œil parce que va dire. Elle est venue sans Bible. Il dit, ouais, ta Bible. Il dit, oui, mais il y a quand même le pain là-dedans. Elle dit, oui. Il dit, tu pars en réunion. Donc, on est en réunion devant le Seigneur qui l'a guéri là-bas et qui peut aller dans la réunion mondaine. Elle dit que j'avais d'autres programmes. Mais si elle était malade, elle aurait attendu. Si elle était malade encore, elle aurait attendu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas la grâce de Dieu et l'amour de Dieu pour nous? Nous, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, elle était guérie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Plus tard, quand elle aura encore des problèmes, parce que quand Jésus te guérit, il veut dire ceci. cette chose s'est ôtée. Est-ce qu'elle connaît la cause de la situation? Supposons maintenant qu'elle part encore commettre la même cause. Ça va venir combien de fois? Alors, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous bien de ceci. Vous connaissez cette femme-là. La prochaine fois qu'elle fait place devant cette porte-ci, elle se tient quelque part ici. Quand elle fasse comme ça, elle fait comme ça. Je vais prêcher la parole. Parce que c'est la parole. Mieux la parole régénère son âme. Son corps est détruit. Vous savez, c'est un professeur de poumon. Ça ne peut pas perforer ton esprit. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si elle fait place ici, si elle entre encore ici, c'est comme ça. Il y a une autre, pendant qu'elle était dans l'ancien ange Raphaël, elle est venue. Celle-là avait des tumeurs du cerveau. Elle est venue là-bas, je ne la connaissais pas. Mais elle me connaissait, je ne sais pas comment elle me connaissait. Elle avait dit, quand j'étais en consamba, prêchant en consamba, elle m'a vu là-bas une fois. Donc, elle était malade, elle est venue là-bas, elle a dit, amenez-moi chez le gars, là, chez lui. Quelque chose me dit que va chez lui. Elle est venue, elle vous savez, quand quelqu'un délie, là, elle était mince comme ça. On l'a amenée, elle était là, elle n'entendait pas. J'étais debout comme ça devant elle, elle dit, ah, c'est quoi ça? On a prié pour elle, la tumeur a disparu. Deux semaines plus tard, elle est venue à l'assemblée, la même personne. Je ne savais pas que c'était la personne qui était assise là la dernière fois. Elle était devenue grasse, la joue était sortie. Mais au-delà de la guérison, ma soeur, le problème qui avait son mari en consamba, avec les enfants, c'est pas les situations comme ça, c'est seulement l'aspect là qui me. Ne rentre pas chez ton mari, vais vous rencontrer à deux. En attendant, elle était où? Chez son mari. La prochaine chose que j'entends, c'est que. C'est quoi? C'est. Elle est morte. Donc, mon frère me conseille pour qu'il vienne ou deux résoudre le problème. Les instructions. Quand les instructions sont données. Il m'a appelé, il a envoyé ça, mais qu'il vient en consamba. Il veut voir ton mari, il doit venir ici. Parce qu'il y a quelque chose à lui dire pour qu'il fasse attention à sa vie. Maintenant, il est parti chez son mari. Où est son mari? Il faut qu'on comprenne véritablement pourquoi ils sont de dire toutes ces choses. Pour qu'on fasse attention de la manière de regarder le Seigneur. Pour qu'on comprenne exactement où on se retrouve. Vous comprenez, mes chers? Ok. J'essaie de vous préparer parce que quelque chose va commencer à arriver au milieu de nous. Il ne faut pas que ça soit un pied d'achoppement pour vous. D'accord? Ça doit venir. Vous qui avez des dons spirituels, que vous ne savez même pas ce que vous en avez. Vous allez voir quand Dieu va commencer à vous utiliser. Vous allez savoir de quoi il est question. Donc ça arrive. Préparez-vous seulement. Et alors, mon espérance c'est que il ne faut pas aller vers quelqu'un lui imposer les mains n'importe comment. Il ne faut pas être prompt pour prier pour quelqu'un n'importe comment. Il faut discerner. C'est la mise en garde que Dieu a donné depuis maintenant. Les deux, il m'a donné deux visions par rapport à ceux qui sont autour de toi. Donc, vous qui me regardez, vous pouvez être mes pires ennemis tout à l'heure. Dans deux jours. Dans trois jours. Vous pouvez être mes pires ennemis. Mais souvenez-vous, ce n'est pas vous le problème. C'est que des choses arrivent, ça cause les envies. Ça cause des mépris. Vous savez, quand vous voyez deux femmes, si elles s'aiment, elles ont des choses en commun. Si pas, l'une ne peut même pas avoir ce que l'autre a, elle commence à jalouser. Donc, la jalousie commence à susciter. Mais lorsque nous sommes dans le Seigneur, ça ne doit pas être. Parce que nous devons comprendre que ce sont les grâces. Personne ne fait quoi que ce soit pour mériter quoi que ce soit. Dieu désigne chacune des choses. Et souvenez-vous, vous êtes ici, vous aimez le Seigneur de la bonne manière. Il y a une place que Dieu a prévue pour vous. Quelque chose que vous êtes censé faire. Attendez-vous seulement à cela. D'accord, bien aimé? Je vais donner un test maintenant pour que vous voyez. Il y a plusieurs personnes. Voilà, je prends, il y a deux personnes ici. Il y a le frère Jimmy, il y a papa Tani. Vous vous souvenez d'une femme qui était venue avec un enfant qui avait le serpent? Vous vous souvenez? Voilà. Le frère Jimmy, je crois que vous étiez trois à prier pour cette fille-là. Qui était la dernière personne? C'était papa Tani qui était la dernière personne. Voilà. Tu as prié jusqu'à forcer, crier. Comment l'esprit t'est regardé? Je crois qu'elle a mis la même conception. Sur le rein. Qu'est-ce que vous voulez te dire comme ça? Non, mais c'est un ok. Et quand tu es rentré, tu étais fâché, non? Quand tu es rentré, tu étais fâché. Mais maintenant, cette fâcherie t'a amené à regarder davantage le Seigneur. Seigneur, il faut que les esprits me dénigrent comme ça. Pas vrai? Ok. Maintenant, quand Patani est venu. La prier, prier, prier. Vous vous souvenez, je suis en train de prendre. Il dit que je vais vous raconter des histoires ce soir-ci parce que je vais aller quelque part. Il attend seulement que le moment arrive. Donc, cet enfant était venu. Quand on avait fini la prédication, il devait pleuvoir. Cet enfant est venu. Papa Tani, lui, il a dit que donc, il ne savait pas qu'il y avait l'onction comme ça. Hein, Papa Tani? Alors, ces choses, ce sont les tests pour que vous voyez à quel niveau vous vous retrouvez. À quel niveau vous vous retrouvez. Je me souviens bien, la première personne qui avait appelé, je crois que c'est Momo. Après Michel. Je suis allé là-bas, j'ai commandé que cette fille soit enchaînée. Que cet esprit soit enchaîné. Elle était restée debout comme ça. Il dit, c'est Momo, c'est ça. Momo, premier lieu. Il dit, frère Momo, vous savez, quand il venait sortir de Mahanaïm, il aimait être frais. Parce que Mahanaïm, on a frappé le pointini. Il s'est levé, il dit que va chasser cet esprit-là. Vous savez, les esprits sont audacieux. Elle était debout comme ça là. Et que c'est pas comme ça, comme vous savez, Nakaratu de Mangala. C'est quoi Neburatu aussi? Et regardez comme ça. Momo s'est levé de son. À l'instant, c'est parce qu'on ne peut pas regarder ce qui se passe. À l'instant où il s'est levé du siège, l'esprit l'a hypnotisé. À l'instant où il s'est levé de son siège comme ça pour aller chasser, l'esprit l'a hypnotisé. Alors, j'étais debout, j'ai dit, frère Momo, souviens-toi que l'esprit n'a pas peur de Poindinini. Sois frère comme tu es frère, sois forte le blanc-blanc. Ça ne fait pas peur au démon. Il s'est levé, il est resté debout comme ça. L'esprit le guettait, il est calé debout comme ça là. Il n'a plus bougé, pas vrai? C'est vrai. Voilà. Donc l'esprit l'a hypnotisé. Ça veut dire que tu peux confronter un esprit sans avoir l'esprit supérieur en toi. Il se pourrait que cet esprit se dédouble et entre en toi et demain tu es de même son habitation. Il est calé debout comme ça là. Continue, frère, à cette position. Donc celui qui est censé chercher le démon est calé debout. Le démon s'est calé debout, il se regarde comme ça. Alors il dit assieds-toi frère. Frère Michel, lève-toi. Frère Michel s'est levé. Il dit frère Michel, chasse cet esprit. D'abord, comment le devenir? Oh, j'avais oublié que je l'avais enchaîné. Frère Ferrand, tu étais là? Mais vous êtes venu à quelle heure là maintenant, frère? Alors, s'il raconte mal, vous qui êtes là, rectifiez le corps. Frère Michel dit que viens ici au nom de Jésus, lui il avance. Viens ici au nom de Jésus. Je te commande de venir ici au nom de Jésus. Il avance. Il dit, ah, frère Michel, c'est le démon qui te commande d'avancer. Ou c'est toi qui commandes au démon d'avancer. C'était chaud cette nuit-là. Donc chacun a eu son tour là-bas. Mais le frère Ferrand, il n'était pas encore là. Ah, c'est pas croyable ça. Alors, il a trop grondé, ça a énervé l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit avait dit? Que tu ne vois pas que j'ai été enchaîné ici. C'est. Donc, le démon l'informe que ton commandement ne fonctionne pas parce qu'il y a un autre commandement. Donc, le démon était étonné que les deux gens sont dans le même camp, ils s'embrouillent comment? Comment l'autre m'enchaîne, l'autre me demande de venir? Comment il peut venir avec la chaîne? Alors, je me suis levé, je l'ai déchaîné, pas vrai? Je suis allé m'asseoir, il dit, frère Michel, commande-le de venir. Quand elle a commandé, vous avez vu, elle a commencé à bouger. C'est là maintenant que Jimmy est venu gronder comme il gronde souvent, crier comme il prêche ici, il crie souvent. Souvenez-vous, dites à ton voisin, chasser le démon, c'est pas crier. C'est marcher dans l'autorité du nom de Jésus. D'accord? Donc frère Jimmy est venu bavarder. Il pouvait dire que c'est bébé Lilian qui m'a fait ça. C'est pas bébé Lilian. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'était lui et lui. Puis Dieu et Dieu. C'était le problème. Alors, Patani est venu dire que non. Ou bien je professe la vérité, ou bien je professe la science. Je vais lui montrer cela. Patani a chassé. Hein, Patani, c'est pas ça? Voilà. Vous savez ce qui se passe? Alors, un jour, il y a un frère, je ne sais pas ce qu'on sait, le frère Christian, il est à Yaoundé maintenant. Il est venu me voir. Il a dit, pourquoi, frère Junior, quand tu nous commandes de chasser un esprit, par exemple, tu dis, fais comme ça. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il a dit, quand tu dis, chasse un démon sur quelqu'un, pourquoi tu ne le laisses pas chasser? Quand il dit ça, je le regarde, je ris, j'ai pris cela, j'ai gardé. Un jour, pendant qu'on était à l'assemblée, le Saint-Esprit me dit qu'il y a une fille ici qui est possédée de tel esprit. Il dit que levons-nous, j'étais en train de chercher à détecter qui était cette fille. Elle était cachée vers la fin là. Si j'arrive vers elle, je l'ai tapé comme ça. Vous vous souvenez, vous qui avez été là-bas, Ferrand, tu n'étais pas toujours là? Tu es vraiment mal barré. Alors, quand je l'ai touchée, elle a commencé à manifester, elle est venue. J'ai dit que frère Christian, viens travailler. Il était dedans, sort de ce corps au nom de Jésus. L'esprit fuit par là-bas, il est derrière. Sort de ce corps au nom de Jésus, l'esprit fuit par là-bas. Sort de ce corps au nom de Jésus, l'esprit fuit là-bas. Sort de ce corps, c'est lui qui poursuivait l'esprit partout. La sueur coulait. Il a continué comme ça. Papa Tania a fini sa prière là-bas, parce que tout le mot était, les mots étaient là, finis dans sa bouche. Chacun, vous savez, ça y a un spectacle là. Vous montez, vous descendez à un moment, vous arrêtez votre prière pour voir ce qui se passe. Alors, Jean était spectateur, Christ était au milieu. Sort de ce corps, et sur l'esprit sortait de ce corps. Or, l'esprit n'attendait que l'ordre qu'on est censé lui donner. Alors, pendant que le frère Christian, s'il avait été là, il lui dit, maintenant, ce qui s'est passé dans ses pensées, alors qu'il courait. Ne fais pas comme ça, tu me suis ici comme ça. Je ne t'ai même pas les mains. Même pas les mains. Je vais te toucher ici. J'étais obligé d'entrer dans la scène. Le pourquoi j'entrais dans la scène, c'était pour répondre à sa question pour laquelle il m'avait posé 2 jours plus tôt. Pourquoi tu demandes à quelqu'un que sort, que chasse cet esprit et tu es derrière pour lui indiquer comment le faire. Alors, souvenez-vous, vous qui avez été là, je recommence encore, vous qui avez été là. Il a avancé, j'étais quelque part, j'ai observé l'esprit sorti. L'esprit est sorti du corps, s'est tenu là. Le corps a continué à se balader. Il était derrière. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Vous souvenez ce qu'il lui a dit? Et frère Christian, laisse ce corps tranquillement se balader. Viens ici. Il est venu dans le vide. Il tend ta main ici. Il se trouve là. Il a tendu sa main. Pap. Il dit, étends seulement ta main à cette direction. Il a tendu sa main. Le corps qui était là-bas s'est baladé, revenu là-bas. À la position, il a tendu la main. J'ai dit, maintenant, fais ta main comme ça. Il a fait, le corps est tombé. Pa! Vous avez vu, n'est-ce pas? Il est resté, oui, il m'a regardé comme ça. Il me suis même parti. Il dit, tu as ta réponse. Alors, à ce rythme-là, on est à 22 à l'Opo. Le patin doit rentrer jusqu'en Dobon. Si on laisse Frère Christian se balader comme ça, il va balader tout le monde toute la soirée. Est-ce que c'est ça? Il sait de vous raconter les histoires. Des choses vont arriver. Donc, vous allez vous entraîner encore. Un framework. Les mains vont chauffer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et un soir, il y a une belle fille qui entre comme ça. Vous savez, Jennifer Lopez. Si vous avez été là-bas, dites-moi seulement si vous avez cette face qui était là aussi là. Cette fille brune là. Ok, là c'est là, maintenant c'est bon au moins. Hein? Voilà. Elle est entrée comme ça, brune. Vous savez, les brunes femmes sont les problèmes. Pas toutes les brunes femmes, d'accord, mais c'est pas toutes les brunes femmes. Alors, elle est en train de quoi. Elle s'assoit, brah. Chaque fois qu'une personne entre, vous avez intérêt en tant que membre du corps de savoir qui est à côté de vous. On n'a pas besoin de dire que tu es un démon, tu es un esprit, c'est pas comme ça. C'est ici, le point de contact c'est ici. Alors vous pouvez voir que quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous, vous comprenez que votre atmosphère spirituelle a changé. Soit favorablement, soit défavorablement. Alors si c'est bon, vous savez que c'est quelqu'un qui est animé d'un bon esprit. Elle est entrée, regardez, pendant qu'elle marchait, waouh. Je sais que tous les frères de l'assemblée qui n'étaient pas mariés ont dit que si cette sœur est vraiment sœur, c'est que c'est quoi que c'est mon goût ici. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Même les frères qui étaient mariés nouvellement ont commencé à dire que je crois que je n'ai pas dû attendre le bon moment pour ma part. Elle est assise là-bas. C'est la pluie. Frère, qu'il pleuve encore davantage. Alors, quand on a fini, c'est parce qu'on a fini, j'ai dit salut ton frère qui est à côté de toi. Ils ont salué. Salut ta soeur qui est à côté de toi. Je ne me souviens pas qui était là-bas, ou c'est Liliane que j'ai envoyé. C'est pas si c'est la soeur Liliane. C'était toi ou c'est Aline? Aline, j'ai dit ok, observons maintenant. Je suis venu d'abord vers cette fille-là. J'ai dit je ne m'adresse pas à toi. C'est la parole qu'il avait dit là-bas. Frère David était quelque part à droite ou à gauche comme ça, parce que c'est là où il devait s'asseoir. C'était sa place de prédilection derrière le palmier, le mandarinier. Il dit que ce n'est pas à toi qui sont les laissés, mais à celle qui est à l'intérieur, la personne qui est à l'intérieur. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de telles choses, vous restez, vous regardez l'être humain devant vous, la fille est belle. Je vais m'arrêter sur son cas pour vous parler à vous, les jeunes garçons. Vous regardez, c'est que vous regardez en roulant. Alors, quand je lui ai dit, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à cette autre personne, suivez attentivement ici. Il dit, s'il manque de dire bien la chose, vous le redites. J'ai appelé donc la sœur Aline, j'ai dit, tend seulement la main sur elle. Elle a tendu la main. Vous avez vu ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui se passe entre Ali et ce démon qui se trouve dans cette femme, cette fille? Alors qu'elle a tendu la main, vous avez vu, elle a commencé à faire comme ça. Bam, elle est tombée au sol. Quand elle était au sol maintenant, j'ai commencé à expliquer exactement ce qu'il en était. On l'a amenée chez le marabout, c'est un esprit de python. Elle a des choses dans ses yeux que si elle te regarde, si tu es le mari de quelqu'un, tu es fini. Tu as le cravate comme ça, tu travailles le cravate comme ça, que merde, ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est ici? Elle a les chaînes. Et vous souvenez, quand elle s'est levée, elle a dit exactement que c'est vrai. Et qu'elle a utilisé ça pour un homme, pas vrai? Voilà. Et je voulais prier par rapport à sa délivrance. Je lui ai dit, il y a des chaînes que tu as à la maison. Amène la chaîne. La prochaine séance, quand elle est venue avec une partie. Je voulais aller vers elle chaque fois. J'ai remarqué que le Saint-Esprit empêchait qu'elle parte là-bas. Après, je me suis tenu la distance. Il a dit que tu as laissé une partie à la maison, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle a laissé une partie. Or, ce qu'elle a laissé comme une partie, c'est la chaîne même où il y avait l'onction de ces serpents. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, alors qu'on a la chaîne de parler maintenant devant vous, là, maintenant, elle est dans les problèmes avec ces chaînes-là. Donc, ça veut dire que l'esprit-là est avec elle encore. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu la vois, mamie, avec la. Vous appelez, je peux. Comme vous voyez, les jeunes filles brunes là-bas, elles marchent. Tu dis. mon goût. Quand elle s'est tournée, tu regardes que tu as dit mon goût. Si vous voyez la personne qui s'est tournée, vous allez voir quelqu'un comme ça à la con, dit que tu dis quoi que je viens. Alors dis à ton voisin là maintenant que tes yeux se soient percés. Et que ce soit tes yeux du cœur qui soient ouverts. Pour voir les réalités du monde spirituel. Donc vous voyez, quelqu'un assis là comme ça, vous dites, quelqu'un entre. Et souvent, le jour qu'elle est entrée, tous les frères, les têtes sont allées comme ça, comme c'est Linda Wallace qui voyageait. Waouh, pour regarder. J'ai parlé debout là-bas, les frères ne comprennent plus rien. Agent de destruction massive. De telle fille, elle n'est pas dans les assemblées, elle va coucher avec le pasteur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pasteur, appelé de Dieu, vous allez coucher avec celle-là. Pas que c'est vous qui voulez, parce que s'il n'y a pas un autre esprit, si vous combattez contre cet esprit-là, elle te regarde comme ça, quelque chose, vous voyez le film nigérien, quelque chose sort de ses yeux, ça fait comme ça, film. Quand tu dois accueillir ta femme, si tu appelles chanceler, tu dis oui, chanceler, oh, je t'aime. Donc ta femme dit, hein, chanceler. Il dit, pasteur, ceci, c'est pour ça que si le Seigneur vous appelle, il vous couvre de sa grâce. Si vous n'êtes pas appelé, vous entendez les pasteurs divorcent. Vous pensez qu'ils font comment pour divorcer? Dieu qui les a appelés, si Dieu les a appelés, n'est-il pas assez puissant pour les préserver? Qu'est-ce qui arrive? Mais c'est frère. Donc ce soir, on va voir la réalité du monde spirituel de Satan. La réalité du monde spirituel de Satan. Et voir ce que, comment ça se manifeste et comment ça va s'arrêter. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. C'est terrible ce qui peut arriver autour de nous. Alors qu'on a de parler maintenant, observez seulement les cœurs. Je vous dis, pendant qu'on s'assoit là, il y a des choses que j'ai dit. Bon, maintenant, la réalité, celui-ci est entré maintenant en dernier lui donc. La réalité du monde spirituel de Satan. Souvenez-vous de ceci, il y a deux personnes au milieu de cette assemblée. Deux. D'accord? Ils vont parler de leur expérience spirituelle. L'une des personnes peut ne pas être au courant ou quoi que ce soit, mais avec les interrogations, vous allez comprendre de quoi il est question, d'accord? Vous me suivez, mes bien-aimés? Bon, le témoignage, si c'est l'une, ça a deux volets. Les témoignages qu'ils vont faire, la confession que ces deux personnes vont faire, c'est d'un côté pour paralyser l'action de ces esprits dans sa vie. L'autre côté, pour dénoncer leur œuvre afin que nous en soyons édifiés. Donc les deux personnes vont témoigner, d'accord? Le moment venu, je vais vous dire, voici les personnes dont je parlais par rapport au message des mondes spirituels, là, d'accord? Donc je ne sais pas comment on peut commencer. Si vous me permettez, j'avance pour qu'on lise la Bible, vraiment. D'accord? On peut lire vraiment ce soir. Donc, la réalité du monde spirituel de Satan. Deux points, le règne des ténèbres. Le règne des ténèbres. Donc, je peux commencer là maintenant, frère. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Nous prions au Dieu de gloire à ce que tu nous donnes de comprendre effectivement dans quel camp nous combattons et contre qui nous combattons. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, pourquoi c'est nécessaire de comprendre ces choses? Souvenez-nous, je ne veux pas enseigner le satanisme. J'ai dit les réalités. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Il dit la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par réalité? Il dit que ce sont des puissances véritables. Donc, leur puissance est réelle. Ils existent réellement. Pourquoi? Parce que des philosophies enseignent que Satan et Dieu, c'est l'homme. Des philosophies enseignent que Satan et Dieu, c'est l'homme. Que chaque personne a en lui son Satan et son Dieu. Si tu veux, tu penches du côté de ton Dieu. En réalité, donc, tandis qu'on tourne autour de soi-même. Est-ce que vous comprenez? D'autres personnes nient carrément qu'il y a le bien, l'existence d'un esprit, d'une créature appelée Satan ou bien le diable. D'autres personnes nient carrément cela. Il n'existe pas. Les satanistes croient clairement que Dieu existe. Certaines personnes ne croient même pas que Dieu existe, alors que Satan lui-même y connaît. Souvenez-vous de ce livre de Jacques là. Les démons, eux aussi, croient qu'il y a un seul Dieu. Même les démons croient. Et ils tremblent. C'est-à-dire, les démons sont seulement catégorie par catégorie. Il y a les démons des athées. Les démons qui vont. Leur but, c'est de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de Mais Dieu, c'est leur rôle là-bas. C'est catégorie par catégorie. D'autres démons sont là seulement pour faire croire aux gens que Dieu n'existe pas. D'autres démons sont là seulement pour croire aux gens que c'est Satan qui est Dieu, c'est Dieu qui est Satan. Est-ce que c'est plusieurs styles de démons dans le monde? D'autres démons sont les philosophies, la sagesse, pour montrer seulement que c'est l'intellectualisme. Que le mal et le bien, tout se paye ici. L'enfer, le paradis, c'est ici. Bon. Un simple coup d'œil sur l'analyse, même pas la Bible, montre clairement que tous ceux qui se livrent dans cette détail pensée, c'est dérisoire. Parce que si quelqu'un fait du mal, il tue, après il monte au pouvoir, il mange bien, il meurt tranquillement, on l'enterre jusqu'à on pleure. En quoi est-ce qu'il a payé? En quoi est-ce qu'il a payé? Et si, si tout se paye ici-bas, comme on dit, et que vous voyez un président aller au pouvoir, tuer les gens, avoir le même sang, après il meurt tranquillement dans un hôpital. Comment c'est ça? Prenons par exemple l'ancien chilien, le président Pinochet, qui est mort, qu'on connaît très bien, qu'il a fait commis des génocides. À 90 ans, il était solide. On l'a mis au tribunal, on l'a jugé. Après un temps, il est mort tranquillement. Il a payé quoi? Fermer son corps là-bas pour 90 ans, c'est vous qui avez le problème, pas lui. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. Il y a vraiment une puissance spirituelle. Il y a vraiment une puissance spirituelle négative. Il y a vraiment une puissance spirituelle réelle. Alors j'aimerais que nous allions dans la parole par la grâce du Seigneur voir vraiment cette réalité. Pourquoi on va voir cette réalité? En voyant cette réalité, ça va nous conduire à ceci. Il faut qu'on fasse attention à ne pas rater l'ennemi contre lequel nous nous luttons. Voilà le but. Est-ce que c'est ici? Ok. Donc, Satan aimera que les gens ignorent son existence. C'est l'un de ses pièges là-bas. C'est-à-dire qu'il veut que les gens ne savent pas qu'il existe, qu'il est même là. Voici pourquoi il agit dans le silence. Et il est là, en train de travailler. Donc, commençons quelque part maintenant. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Vous avez votre Bible ouvrez. Bon, je vais donner vraiment le temps de prêcher. Jean le chapitre 14. Jean le chapitre 14. Vous y avez moi. Donc, nous parlons de la réalité de quoi? Du monde spirituel de Satan. Le monde spirituel de Satan. D'accord, frère? Jean chapitre 14. Je suis au verset 30 là maintenant. Regardez. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous y êtes? Ok, regardez. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car, quoi, frère? Le prince du monde vient. Voilà. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le Seigneur Jésus-Christ en dit lui. Ça, c'est Jésus qui parle de sa propre bouche. Il dit qu'il ne parlerait plus avec ses disciples. Ça veut dire qu'ils n'auront plus la même communion comme ils étaient avant physiquement. Parce qu'il a dit que son temps est en train de quitter. D'accord? Son temps est en train de s'achever. Après, il annonce maintenant que le prince de ce monde-ci, c'est le prince de ce monde-ci qui est en train d'entrer en scène là maintenant. Si vous continuez dans la lecture du livre des gens, vous allez remarquer quand on est venu le prendre, il a dit que comment vous êtes venu vers moi avec des épées et autres là-bas? J'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous ne m'avez pas arrêté. En fait, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Ça, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Jésus réalise là et montre là par là que les ténèbres règnent à partir de ce moment-là. Mais dans ces règnes courtes, dans ces courtes règnes que les ténèbres vont effectuer, le règne de ces ténèbres à ce moment précis était effectivement leur renversement. Parce que le pseudo-victoire qu'ils ont cru avoir ces jours-là, quand ils ont captivé le Seigneur Jésus-Christ, ils ne savaient pas que c'était pour les renverser justement. C'est ça, frère et soeur. Le pseudo-victoire, j'ai dit le fait que depuis Gethsémané, quand on est venu s'emparer de lui, Jésus a dit de sa bouche que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Cette pseudo-victoire, ce semblant de victoire qu'ils ont eu durant le monde à attraper, à les ligoter jusqu'à les crucifier. Cette pseudo-victoire, cette courte laps de temps qu'ils avaient la victoire, était une victoire qui était pour les renverser eux-mêmes. C'est ça, n'est-ce pas? En effet, dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 et suivant, dit clairement qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc, c'était la chute du règne de Satan en réalité. Mais qui devait inaugurer cette chute de Satan et cette victoire définitive du Christ. Souvenez-vous de ceci. Devait inaugurer une courte période de domination satanique encore dans le plan de Dieu. Cette victoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et vous, c'est ce que je lui dis. Pourquoi? Parce que après que Jésus-Christ est vaincu à la croix, monté au ciel, assis à la droite de la majesté divine, on dit encore qu'il attend que ses ennemis soient mis sous ses marches. Donc en attendant, ses ennemis fonctionnent toujours. Mais dans cette marche-là, les ennemis sont en train d'aller comme ça à leur destruction. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, suivez encore ici. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare que le monde actuel, le monde-ci, est sous la puissance du malin. C'est le monde actuellement qu'on a là maintenant. C'est Jean qui a écrit ça, longtemps après que les autres apôtres soient morts. Et puis le monde qu'on a de vivre là maintenant, c'est sous la puissance de Satan. En effet, lorsque le Seigneur Jésus avait été baptisé, quand il est allé au désert dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, vous lisez franchement la confrontation qu'il a eue avec Satan. Vous voyez comment Satan lui dit. La Bible déclare que Satan présenta les royaumes du monde et leur gloire. Jésus-Christ a vu en vision, Satan a présenté une vision du monde à Jésus. Je veux que vous mesurez ceci. Quel que soit le pays que vous voulez nommer sur cette terre ici, Satan a montré ça à Jésus. Quel que soit le pays, souvenez-vous d'éclairer, c'est peut-être 3 versets, qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. C'est qui est a déjà été. Vous savez, n'est-ce pas? Satan a présenté tous les royaumes. C'est la Bible qui dit que tous les royaumes de la terre en un laps de temps. Il a fait, souvenez-vous, quand vous êtes dans la vision, c'est dans cette histoire, sous le soleil, c'est qui est l'état. Quand vous êtes dans la vision, on n'est pas sous le soleil. Donc vous pouvez voir en 2 secondes tout ce qui va arriver, tout ce qui est arrivé et qui arrivera à l'humanité. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Alors Satan a présenté cela à Jésus. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai ces royaumes et leur gloire. C'est ça? Ok. Après, il dit à Jésus, car cela m'a été, et je le donne à qui? Ça veut donc dire que si tous ceux qui ont pris cette gloire-là, les présidents de la République, ont fait ce que Jésus a refusé. Ça veut dire que chaque président de la République se prosterne devant Satan pour pouvoir entrer dans cette gloire humaine. C'est la Bible, frère, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, les gens que nous convoitons, nous aimerons être à leur place. Quand ils défilent comme ça, tout le monde, la gloire qui entoure, c'est Satan qui donne cela. C'est la Bible, frère. Il a dit à Jésus, puisque prosterne-toi devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Car cela m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Jésus, sur cette terre, n'a pas dit que tu manques. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Parce qu'en réalité, Satan avait raison. Mais Jésus ne devait pas prendre le royaume, possession du royaume de ce moment-là, de cette façon-là. Il doit triompher. Vous savez, n'est-ce pas? Il doit triompher. Alors, souvenez-vous, je vais commencer à citer, vous avez donné le passage, d'accord, pour vous c'est ici. Alors, la Bible déclare que puisque les hommes, les fils ont part au sang et à la chair, il y a lui-même participé, le but pour lequel il a participé à la chair et au sang, c'était afin de délivrer ceux qui étaient toute leur vie captifs par peur de la mort. Vous savez, n'est-ce pas? Et pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est ce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1 et chapitre 2. Donc, le but de la mort du Seigneur Jésus, c'était de dépouiller Satan. Alors, lorsque vous voyez donc dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17-18, là, où la Bible déclare, il dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Donc maintenant, il a toute autorité. Mais jusque-là, il n'est pas encore entré dans son règne. Jésus n'est pas encore entré dans son règne. Et il n'y a que deux règnes possibles là maintenant. Soit c'est Satan qui règne, soit c'est Dieu qui règne. Souvenez-vous de ceci. Nous parlons de la réalité du monde spirituel de Satan. Ok, maintenant, Jésus-Christ est allé au ciel. Vous lisez le livre des Apocalypse chapitre 11, du verset 15 et suivant, et chapitre 19. Vous allez remarquer que c'est à la trompette du septième ange. C'est terrible. À la trompette du septième ange. Nous sommes au chapitre 11 là, des Apocalypse. Il vient les donner comme ça là. Verset 15 et suivant. Et il déclare que quand le septième ange sonna de la trompette, les cris ont commencé. Que le règne de notre. Lisons ça, frère. Regardez. Apocalypse. Souvenez-vous, j'ai parlé de Hébreux, je suis dans l'Hébreux, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 2 particulièrement. Apocalypse chapitre 11, vous y êtes. Verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est à notre Seigneur et à son Christ. Regardez, je m'arrête là-bas. Donc c'est quand le septième ange sonne de la trompette que Jésus entre en possession de son royaume. On dit le royaume du monde est remis. Donc avant cela, le royaume n'est pas encore entièrement entre ses mains. C'est pour ça que 1 Jean 5, 19, l'on dit, le monde actuel est sous la puissance du malheur. Et c'est pour ça qu'il avertit là-bas que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Donc c'est à ce moment-ci que le royaume sera remis entre les mains du Seigneur. Voilà, n'est-ce pas? Il dit le royaume du monde est remis. Donc le Seigneur Jésus-Christ va gouverner. Qu'on l'admet ou pas. Mais pour le moment, ce n'est pas lui qui gouverne. Écoutez, souvenez-vous de ceci. Le problème que je vais vous montrer ici, c'est que les êtres humains conduisent leur vie. Quelque chose va attirer la colère de Dieu sur notre pays. C'est devant nous maintenant. Souvenez-vous de ceci. Je ne sais pas si c'est sur le régime de celui qui est ici ou bien le régime de ces rusés qui en est devenu après lui. Quelque chose va arriver qui va attirer vraiment la colère de Dieu sur ce pays-ci. Ça, ça va commencer par une situation qui va se passer et la presse, écoutez bien, bien aimé, et la presse va s'en emparer. Cette situation concerne les avortements volontaires. On va discuter de cela pour qu'on puisse faire que ça soit droit. C'est-à-dire qu'on peut avorter comme on veut. Et là, ça va se présenter à l'Assemblée, on va discuter s'il faut, oui, à la télévision, pour que il faut que les gens soient, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, si on viole une femme, qu'est-ce qu'on fait si l'enfant entre? Elle peut interrompre si elle veut. C'est des choses qui arrivent là. Alors, on va commencer à dire, il faut projet de loi pour voter maintenant sur l'interruption. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est en train d'arriver. Alors, le deuxième, c'est, il faut que l'homme se soit, il faut savoir que ça peut passer maintenant. Ces choses vont attirer la colère sur notre pays. Donc, ça arrive, c'est devant nous. Donc, je t'en ai dit que dans ces 1 Jean, il dit que le monde actuel est sous la puissance du malin. Regardez bien. Et dans le même 1 Jean, il dit quoi? Que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Ok, maintenant, regardez, suivez mon frère. Quelles que soient les découvertes, je suis d'accord que des êtres humains disent que ce que l'intelligence humaine peut imaginer, jusqu'où l'intelligence humaine est allée. Mais je vais redire cette phrase autrement. Qu'est-ce qui a féodé? Qu'est-ce qui a touché cette intelligence humaine pour qu'il puisse évoluer jusqu'à ce niveau de découverte? Pour que l'homme puisse être orgueilleux au point de se croire un créateur. Internet, téléphone portable, télévision, lumière que vous voyez là, c'est au service de l'Antichrist. Ça peut être choquant là maintenant, mais je vais dire ceci de cette façon-ci. Tout ce que vous voyez là, fibre optique, écoutez très bien. Les téléphones avec GPS, le but pour lequel on fait là, c'est pour préparer que chaque population est là, pour que quand l'Antichrist va avoir son tableau, qu'il puisse vous contrôler tranquillement. Voilà pourquoi on enregistre là avec vos cas dentés. Donc tout là, c'est sous la puissance du malin. Comment Satan va contrôler les êtres humains n'étant pas omniscient et omniprésent? Comment? Est-ce que Dieu a besoin d'être ici pour savoir qui est là? Mais Satan a besoin de sa présence. Donc souvenez-nous, ça peut choquer ça. Que vous le comprenez ou non maintenant, que vous la mettez ou non, le monde actuel est sous la puissance du malin. Alors, tous ces scientifiques-là, quel qu'en soit ce qu'ils partent chercher, d'abord, qu'est-ce qu'ils partent chercher sur Mars? Qu'est-ce qu'ils partent chercher sur Mars? Y a-t-il des habitants là-bas en haut? Bon, y a combien d'habitants sur la Terre? Ils ont fait quoi? Sommes-nous seuls sur la Terre? Donc, on prépare petit à petit l'être humain pour qu'on comprenne qu'on a découvert la présence des êtres qui pourraient être utiles à la Terre. Parce que la technologie est avancée par rapport à nous. Nous pouvons nous protéger, protéger le système solaire, parce que d'une attaque extraterrestre, c'est-à-dire de l'extérieur de la Terre. On en a parlé de là, du Seigneur Jésus, là, frère. Je vais parler un instant. Je parle de la réalité du monde spirituel. Votre Bible dit que on va engager l'humanité dans un combat contre Jésus-Christ à sa venue. Mais c'est... Ok, donc, ils vont réunir l'armée du... Quand on dit qu'il y a un nouvel ordre mondial, un gouvernement Ok, s'il y a une armée unique dans tout le monde entier, c'est pour combattre donc qui finalement? Dites-moi là maintenant. Voici, l'armée nigérienne a son armée. Le Niger a son armée. Le Cameroun a son... Alors maintenant, ça suppose que le Cameroun et le Nigeria peuvent se confronter parce que celle a son armée, l'autre a son armée. Mais si cette armée, si c'est fond avec l'autre armée, il n'y a qu'une seule armée unique. Contre qui cette armée unique veut lutter? On est en plein contre le Seigneur Jésus-Christ là maintenant dans le monde. Donc tous les systèmes informatiques concrets, quand vous voyez, vous passez partout, comme tel en train de creuser, écoutez très bien, bien aimé, je m'appelle à tous les Camerounais, à tous ceux qui m'écoutent. Dans les pays africains, on est en train de creuser pour passer des fibres optiques sous l'eau, sous la terre, c'est pour le travail de l'Antichrist. Donc les gens qui sont employés sont au service de l'Antichrist sans s'en rendre compte. Des générations vont en souffrir pour cela. Mais on ne peut pas arrêter ça parce que c'est prévu arriver ainsi. Ça va arriver ainsi comme la Bible l'a déclaré. Les rois de la terre vont se liguer encore contre le Seigneur et contre son roi. Souvenez-vous de cela. Vous cessez mes frères. Je recommence encore. Tous les systèmes bancaires vont se fondre. Tous les systèmes informatiques vont se fondre. Tout ce que vous voyez, citez n'importe quoi que vous allez prendre découvert là-dehors. Les systèmes de technologie haute là-bas, GPS, les autres. En fait, souvenez-vous, que ce soit les ultrasons, que ce soit les télévisions, remarquez très bien que vous passez quelque part sur l'axe lourd, vous arrivez quelque part, on vous attrape, on dit que vous avez violé le kilométrage quelque part. Tu n'es même pas au courant que tu as vécu. On dit limitation de vitesse, c'est de telle portion de l'axe à telle autre portion de l'axe, c'est 90 km/h. Comme tu n'as vu personne en route, tu as mis ça à 120. Il y a une histoire qu'on a mis quelque part, on appelle radar. Tu es passé, ça a enregistré ta vitesse, ta matricule, et tu arrives là-bas, on te stoppe. On te montre quelque chose affiché, à tel endroit, tu étais à telle vitesse, tel kilométrage, avec ton immatriculation. On dit que la pénalité c'est 25 000 francs. Tu dis que tu te fâches, voici les preuves. Un homme n'était pas là-bas, c'était un appareil qui était là-bas. C'est pour l'Antichrist. Donc ça veut dire que ceux qui vont passer par la grande tribulation, vous allez fuir aller au champ. Remarquez très bien les guerres qu'on nous a présentées. Ils sont allés essayer d'entraîner leur appareil dans le désert pour dire qu'on va chercher les âmes chez Satan, mais ce n'était pas pour ça. C'était pour essayer les appareils. Alors, ils peuvent aller dans le désert. Combattons encore dans le désert pour qu'on voit. Pour ceux qui sont dans le désert, on va voir. Dans la nuit, ils portent une lunette, les ultraviolets. Alors, le capteur de mouvement. Capteur de mouvement. Quand tu es caché quelque part, vous êtes dans le mur. Avec ça, on peut voir s'il y a tu bouges l'énergie qui est sur toi. Le capteur d'énergie. Alors, vous ne pourrez nulle part vous cacher. Je vous le dis. C'est comme la Bible dit, tous ceux qui ont passé par la grande vont mourir. Donc, il n'y aura nulle part pour se cacher sur cette terre-ci. Alors, s'il y a les capteurs de mouvement, s'il y a les fibres optiques passant par toutes les terres, fuis, tu dis que non, je m'appelle au moins en consommant, personne n'a jamais été là-bas. Vous savez qu'il y a des démons, des montagnes. C'est ceux qui vont dire à l'antique, qui se trouve plutôt pas ici. Alors, qu'on l'admet ou non, la grande majorité de l'humanité sont au service du diable sans s'en rendre compte. Vous savez, quelqu'un découvre une technologie en disant que waouh, avec cette technologie, souvenez-vous de ceci, on ne vous dira jamais que c'est fait pour vous punir. Mais c'est au nom de la liberté. C'est au nom de la liberté. Voilà pourquoi ils vont faire ces choses-ci, créer eux-mêmes des problèmes. Souvenez-vous de ça, mes chers bien-aimés. Ceux qui sont en Europe peuvent bien comprendre ceci. Ils vont eux-mêmes créer des problèmes. Créer des problèmes. Et pour dire que voici la solution. La solution, c'est que toute personne qui veut entrer, vous savez, on commence à créer des GPS. Ils kidnappent les enfants. Ils ont des GPS. Souvenez-vous, écoutez bien. Ils mettent des GPS. On a kidnappé un enfant, on a cherché, on n'a pas vu pendant des années, pendant des mois. Après, ils libèrent l'enfant. Après, vous attendez, on dit une entreprise a trouvé une solution pour que si on finit l'enfant, on le trouve facilement. Comment? On incruste dans son corps les GPS. Si se trouve n'importe où, on peut le repérer la zone où se trouve. Vous dites, waouh, c'est bien pour sécuriser mon enfant. L'antichrist est allé pour préparer psychologiquement à admettre des choses. La puissance satanique. Donc maintenant, le problème maintenant, c'est que Satan, vous ne voyez nulle part Satan présenté comme ça. Il a des travaux dans le secret. Alors, je vous pose la question. Du moment où il s'est présenté à Jésus que je te donnerai, est-ce que les gens étaient conscients que c'est lui qui gouvernait? Lisez. Est-ce que les gens étaient conscients vraiment que c'est lui qui gouvernait? Il est venu dire à Jésus que je te donnerai. Après, quand il a tenté Jésus et disparaître de la circulation, jusqu'à ce que Jésus dit encore que le prince de ce monde arrive. Vous avez vu sa manifestation quelque part où il fait comme boum boum pour l'entendre? C'est l'arme fatale de Satan. Il passe exactement comme le serpent. Le serpent ne fait pas de bruit. Il passe sournoisement. Tu entends seulement que le poison est en toi. Vous savez, n'est-ce pas? Donc la puissance de Satan est réelle. Ce qu'il a de fait en préparant les chrétiens, c'est réel. Internet, télévision, tout, il dit bien tout ce que vous pouvez avoir comme découverte maintenant là. Où est-ce que l'homme prend cela pour imaginer? Souvenez-vous de la lignée de Caïn, là où le récit scientifique a venu. Qui a commencé à dire à ces gens-là que le bauxite mélangé avec le fer m'a donné ceci? D'où est-ce que ça vient? Vous savez ça, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, on est mal barré. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous a mis dans ce monde. C'est lui qui nous a laissés. Il a dit que vous aurez des tribulations. Il a dit, j'ai fait ma part. Je m'en vais chez moi. Je vous attends à la maison. Faites votre part. Amen. 1 Thessaloniciens. Aidez les gens à lui pour qu'on puisse lire rapidement. Là, il y a tellement de... Mais si ça ne va pas, je vais vous laisser des versets. Je vais seulement commencer à vous parler. D'accord, bien-aimé. 1 Thessaloniciens, aux environs, avant Timothée là. Vous y êtes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Regardez. Versets 4 et 5. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que qui Le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en... Donc Satan est en train de travailler dans le silence. Il travaille dans le silence. Ça, c'est aux chrétiens que l'apôtre Paul a adressé. Il a envoyé pour Timothée pour pas savoir. Parce que comme on a travaillé, on a rentré, c'est sûr que Satan les a eus. Dans un autre épisode, il va dire que nous, car nous n'oublions pas ses desseins. Donc on connaît le plan que Satan a derrière. C'est. Donc toutes les branches que vous avez sur la terre, Satan a infiltré. Toutes les branches que vous avez sur la terre, les grandes sociétés, que vous appelez n'importe quelle technologie, même pas besoin de les nommer, n'importe quelle technologie que vous voyez là, Satan est derrière. Satan est le concepteur, le grand architecte, comme le dit, c'est lui qui est derrière. Le plus grave de tout ceci maintenant, voilà pourquoi je suis en train de parler ce soir, c'est que ça a touché au niveau de l'église. Cette puissance se trouve au milieu de l'église. On peut balayer la Bible à voir depuis l'Ancien Testament et le Nouveau, que ça se trouve effectivement là-bas. D'accord? Donc maintenant, regardons le chapitre 2 ici. Regardez le chapitre 2. Vous y êtes. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Je vous ai lu le chapitre 3 tout à l'heure. Là. Non. Regardez le chapitre 2 à partir du verset 18. Regardez. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêché. Satan. L'apôtre Paul dit que Satan l'a empêché d'aller voir les Thessaloniciens. Est-ce que vous entendez? À un moment donné, dans Actes des Apôtres, on dit que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui ne leur a permis pas. Ici, c'est Satan qui a dit, vous ne bougez pas. Alors maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit la dernière fois. Je crois que c'est au Seigneur qui dit cela. J'ai dit qu'aucun être humain n'a le pouvoir pour chasser Satan. Dieu n'a pas donné ce pouvoir à l'Église. Je vous ai dit ça la dernière fois, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Donc, l'apôtre dit que nous avons voulu venir vers vous plusieurs fois, même deux fois. Mais Satan nous en a empêché. Satan a empêché. Comment il peut empêcher l'œuvre de Dieu? Ce Paul qui est en train de parler, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 26, dans Actes des Apôtres chapitre 26, j'ai dit que vous commencez à citer, pourquoi on a évité? Dans Actes des Apôtres chapitre 26, lorsqu'il est en train de donner son témoignage devant Festus en se justifiant, d'accord? Si vous lisez rapidement du verset 12 là, en descendant jusqu'au verset 14, vous remarquez que l'apôtre Paul dit, en donnant exactement l'appel qu'il a reçu du Seigneur, il dit que l'une des missions principales qu'il avait, c'est de délivrer les gens de la puissance de Satan. Pour le transporter à la puissance de la lumière. C'est-à-dire quoi? Avant que quelqu'un ne reçoive la lumière de l'évangile, il est dans la puissance satanique. C'est ce que lui dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'espère que vous me saisissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas la lumière de Christ, si Christ n'est pas dans la vie de quelqu'un, la personne, le veuille ou pas, est gouvernée par Satan. Et alors, donc là, tous nos gouvernants donc, qui refusent, rejettent donc l'évangile. Vous pensez que qui est le gouverneur? C'est eux donc qui votent les lois que nous devons respecter. C'est eux qui votent les lois que nous devons respecter. Donc la puissance de Satan est réelle. Il en allait doucement, sournoisement, mais c'est réel. Maintenant, j'aurais souhaité, je ne sais pas, je sens de sentir les pressions. Si vous vraiment vous lâchez que je parle, pour que je puisse parler doucement. Dans nos vies, je vais toucher le cadre de l'église tout à l'heure, à l'intérieur de l'église. Dans nos vies, comment est-ce qu'il œuvre? Comment pensez-vous que je cours une droite ligne avec le Seigneur, je cours une droite ligne avec le Seigneur, à un moment donné, boum, quelque chose arrive, c'est comme si ma force est à zéro. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a fait? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire deux versets pour que vous voyez quelque chose. Éphésiens chapitre 2. Donc, la puissance de Satan est réelle. J'aimerais rester là-bas dans la Bible et me balader partout là-bas pour vous les montrer. Vous êtes dans Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Frère, tu peux me lire le verset 2. Allons-y. Dans lesquels vous marchiez. Je vais prendre le verset 1 jusqu'au verset 2. Attends le verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez entendu ce qu'on a dit là? Il a dit aux chrétiens que vous étiez dans le même cas. Donc il y avait un train qui partait une direction. Il dit que selon le train de ce monde, le monde ici a ses vagues, ça fait courage, ça prend une direction. Il dit que vous étiez à l'intérieur. Mais par la puissance de l'évangile, les gens ont été délivrés de cela pour être mis dans l'avion qui va vers le ciel. Est-ce que vous comprenez? Après, il donne le renseignement. Il dit selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Il parle de qui? De Satan. Il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Toute personne qui est rebelle à l'évangile, il dit que cet esprit agit en eux. Donc les gens travaillent pour Satan sans s'en rendre compte. Non, votre religion n'est pas sur ça. Je ne suis ni que je suis Satan. Et cette même personne va dire que non, les francs-maçons, il faut les craindre. Les templiers, il faut les craindre. Non, non, non, non. Même les sorciers, non, non. Le village, je ne sais pas si ça, mais il est quand même du côté de Satan. Il est quand même du côté de Satan. Donc, Satan a plusieurs contingents de démons, plusieurs aspects. Il y a des démons maléfiques, des démons seulement de maléfisme. Les démons seulement qui donnent de l'argent. Vous arrivez dans un village, vous voyez un sorcier qui tue seulement les gens, enfants au village. Mais vous voyez là, là où il sort, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais qu'est-ce que celui-ci a à tuer les gens? C'est ça, pas de spécialité, le démon qui est en lui. Il tue seulement, il ne rend pas pauvre. Vous venez en ville, vous voyez un jeune garçon qui dit que prends-moi mes 20 ans, donne-moi mon argent. Il dit, hey, le sawa boy. Il vit heureux, il meurt jeune. Il ne souffre pas comme le père du village. Là. Il mange bien, il vit bien, il sort avec les grosses voitures, mais il meurt. Mais c'est une autre catégorie des démons. Alors, verset 6 de ce même Éphésiens, regardons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc, la Bible déclare que les chrétiens ont été ressuscités, ils sont assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, on précise en Jésus-Christ. Or, maintenant, Satan est aussi dans les lieux célestes. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il y a les lieux célestes en Christ, le lieu céleste, donc le quartier général. Le quartier général de Satan, c'est aussi dans les lieux célestes. Mais il y a le lieu céleste en Jésus-Christ et dans le lieu céleste aussi en Satan. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible déclare que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ est monté dans plus haut que les cieux. Donc, ça veut dire que son quartier général est au-dessus de ce quartier général de Satan. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Si son quartier général est au-dessus du quartier général de Satan, Colossiens chapitre 2, le verset 10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, car il est le chef de toute autorité et de toute domination. Quand j'avais lu ça, ce verset la dernière fois, vous avez dit que Jésus est le chef des démons. Les forces ont ouvert les yeux comme ça pour dire, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? On est en train de dire ici que quelle que soit la domination que le démon peut avoir sur la terre, en train d'appuyer les gens, Jésus est au contrôle et au-dessus pour suivre exactement toutes choses. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, les satanistes sont aux côtés de nous, au quotidien. Les satanistes ne sont pas nécessairement ceux qui abordent les insignes maçonniques. C'est pas le plus. Toute personne qui n'est pas en Christ est chez Satan. Toute personne qui n'est pas en Christ est chez Satan. Le plus grave, c'est qui se trouve au milieu de l'église. Le plus grave, c'est qui se trouve au milieu de l'église. Allez dans, notez Ézéchiel chapitre 8, chapitre 9 et 10 et lisez ce qui se passe là-bas. Ces choses, on devrait prêcher ça un samedi pour qu'on ait le temps vraiment d'entrer là-dedans. La puissance satanique, quel est son but? C'est renverser au maximum ce que Dieu a appelé pour sa gloire. C'est le but là-bas. Et amener l'humanité à la destruction. Souvenez-vous de ce qu'on a lu ici, un de ces jours dans le livre d'Ésaïe. Son propre peuple, Satan a son peuple. Vous savez que Satan a son peuple. Vous savez que Satan a son peuple. On a lu ça ici dans la Bible. Que même son propre peuple, il va les amener à la destruction. Vous comprenez bien aimé? Donc le but pour le canard de faire ça, pour que vous compreniez une chose, c'est que l'ennemi contre lequel nous devons combattre, ce ne sont pas vos familles, ce ne sont pas les êtres humains, ce sont les êtres désincarnés sans la chair, qui ont une seule mission, amener ta chute. Vous devez être conscient de cela, qu'ils œuvrent dans le monde des ténèbres. Il y a des pasteurs qui ont vendu leurs mains. Écoutez bien ceci, mes chers amis, écoutez maintenant. Écoutez. Il y a des pasteurs qui ont vendu leurs mains. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Il y a des pasteurs qui ont vendu leurs mains. Ça veut dire que la main chère que vous voyez qui tend n'est plus la main. C'est une main démoniaque. Je recommence encore ça. Il y a des pasteurs qui ont vendu leurs mains. C'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, on a coupé cette main-là et on a mis une autre main. Une autre main. Alors il peut te toucher. Même temps, cette main-là avec toi, comme ça, les puissances te saisissent. Il est l'heure que nous soyons gardés dans la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de façon. Vous savez, frère? Ok. Maintenant, regardez dans Jude au chapitre 3. Dans Jude, le verset 3. Jude, pas juge. Donc le livre qui est toujours avant Apocalypse. Regardez. Ouvrez la maintenant, je vais citer. Donc, vous avez Apocalypse devant vous. Le livre qui est toujours avant. Jude. D'accord? Juge, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas des juges là maintenant. Donc, frère, vous êtes dans Jude maintenant. Regardez le verset 3. Verset 3, lisons à partir du verset 3. Regardez. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, oui. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Stop. Donc, il a pris son plume. Il voulait mettre comme ça. Le Saint-Esprit a dit que tu dois écrire plutôt sur tel autre sujet. Il dit, je me suis senti obligé. Donc, poussé par le Saint-Esprit, à vous écrire ceci. Après, il va justifier le pourquoi. Il dit car, le Saint-Esprit qu'on va parler. Car il s'est glissé parmi vous. Stoppons là-bas. Donc, il se retrouve au milieu chrétien. Il dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Après, il dit exactement la destination finale. Il dit certains hommes dont la condamnation est depuis longtemps. Stop. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le danger de ces ministères spirituels démoniaques, des ténèbres, c'est le danger qui est au milieu chrétien. C'est pour ça qu'on va beau parler n'importe comment. Le fait qu'ils sont trouvés au milieu chrétien et apporter beaucoup de biens matériels, des choses de ce monde-ci, mélanger le monde à l'histoire du christianisme, des temps anciens, qu'on ne peut plus savoir lequel est le vrai, c'est ça qui amène la chute de beaucoup. Il dit qu'il s'est glissé parmi vous, ça se trouve au milieu chrétien, de certains hommes dont la condamnation est écrite longtemps. Alors, si quelqu'un est déjà condamné à mort, vous pensez que quel est son but quand il est au milieu de toi? Vous entendez ça, frère? Quand quelqu'un est condamné à mort, dans un autre passage, il m'a dit qu'il porte la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, on a bien mis le cachet comme ça pour l'enfer. Donc, il vient là pour détruire. Au verset 12, il m'a dit qu'ils font bonne chair avec vous. Ils sont les écueils dans vos agapes. Donc, quand vous faites les réunions, vous faites quoi? L'agapé comme ça, ils sont à l'intérieur, ils font bonne chair avec vous. 1 Timothée, dans 2 Timothée, on dit qu'ils entrent dans les maisons, ils dépouillent les veuves, les femmes chargées des péchés, des passions de tout genre. Vous saisissez ça? Donc ces hommes-ci, quel est leur but? Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, l'apôtre Paul dit que ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en quoi? En ministre de l'évangile. Donc ils se trouvent au milieu chrétien. Il avertit dans 2 Timothée, il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Un démon ne marche pas pour prêcher. Un démon donne une doctrine. Donc quelqu'un est en alliance avec eux, il enseigne des choses. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est pas écrit dans la Bible. Souvenons-nous, la première âme que Satan a utilisée dans Genèse, c'est la même façon. Il ne vient pas avec une autre nouvelle parole. Je vous ai dit qu'il lit la Bible de Dieu à sa façon et donne son interprétation à lui. Dieu a-t-il vraiment dit? Il sait pourquoi il a dit ça. Parce que si vous mangez, vous serez comme ça. Il prend la parole, il la détourne comme ça. Donc, ils sont entrés au milieu de l'église. Maintenant, si vous lisez Ézéchiel chapitre 8, j'ai dit Ézéchiel chapitre 8, 9, 10 et 11. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 8, c'est présent, le tableau clair est présenté là-bas. 70 hommes du milieu de l'église d'Israël qui priaient le dieu soleil et au Tammuz, comme vous pouvez appeler. Pourtant, ils sont dans le temple. Mais dans le secret, il faut que Dieu donne seulement la révélation pour qu'on voit vraiment que ces gens-là sont dans les terribles déviances. Et la Bible déclare qu'ils ont mis à l'Orient là-bas l'idole de la jalousie pour exciter la colère de l'Éternel. Vous entendez ça, hein? On dit l'idole de la jalousie. J'aimerais bien franchement, si vous voulez, on peut développer vraiment ça dans une autre partie. Parce que parlant comme ça, ça ne serait pas. Il faut qu'on voit dans les Écritures. Parce qu'il y a au moins 30 Écritures là qu'il faut voir maintenant et lire. C'est frère. Or, Dieu leur avait averti au chapitre 4 de Deutéronome. Il leur avait dit que puisqu'ils n'avaient vu aucune image, aucune représentation, aucune figure, lorsque l'Éternel vous a apparu en Europe, il dit, veille attentivement sur ton âme. Il dit, de peur que se tournant vers le soleil. C'est terrible. Observez. Veille le soleil, la lune, et sur toute l'armée des cieux. Et c'est exactement ce que l'humanité en train de faire. On se tourne vers Mars. Qu'est-ce qu'il y a dans Mars? Il n'y a pas des habitants là-bas. Il dit, et toute leur armée, vous ne venez à vous prosterner, à leur rendre un culte. Observez au-dessus de la mosquée, il y a la lune et les étoiles. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Vous dites, oh non, nous sommes de l'église catholique, vous. Il y a l'orient, ça s'appelle le soleil. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Dieu a averti dans la Bible et c'est ce qu'ils font. Dieu dit, ce sont des choses que Dieu a données aux nations de le faire. Et dans Lévitique chapitre 19 et 18, il dit, ce sont toutes ces choses que les abominations que le pays a vomi, c'est à cause des abominations que le pays a vomi ses habitants. Si vous commettez de telles choses, le pays va vous vomir à leur tour. Il dit, vous êtes à l'Éternel, je suis saint, vous serez saint. Donc j'aimerais bien, on va prendre une deuxième partie, on va entrer là-dedans, partie par partie par rapport à ceci. Mais restons dans l'église. Alors, dans cet Ézéchiel chapitre 8, il est question des hommes qui se présentent devant Israël, sont dans le temple, servent Dieu normalement, comme on fait les trucs comme ça, mais ont des choses secrètes dans le secret qu'ils font. Comme dans l'église aujourd'hui, il y a des anciens sorciers, des pasteurs démoniaques, des pasteurs sorciers, des démons même venus dans la chair qui sont des officiers aujourd'hui. Et Dieu va donner un avertissement dans le chapitre 9 de cet Ézéchiel en disant que passe dans la vie, marque un saut au milieu de tous ceux-là. Commence par frapper dans ma maison. Donc, le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, on les voit côte à côte. Tout à l'heure, c'était le cas des Michées et des prophètes. Ils étaient côte à côte. Observez dans Jérémie chapitre 28. Et observez, Ananias prophétisait. Jérémie prophétisait. Ainsi parle l'Éternel avec ses cornes-ci. Tu frapperas Nebuchadnezzar. Jérémie regarde comme ça, dit que. Laissez tranquille, allez. Je dis, va lui parler. Ainsi parle l'Éternel. Dieu ne t'a pas parlé, tu as parlé. Dit que ta tête tient bien là. Ta tête tient bien. La Bible déclare que. Jérémie a dit que sache. Souvenons-nous, la Bible n'a pas appelé Ananias un faux prophète. Souvenez-vous de ceci. Dans Jérémie chapitre 28, on dit Ananias, le prophète. De Gabon, regardons le nom là parce qu'il va y arriver là maintenant. Il dit Anani le prophète dit ainsi parle l'Éternel. Jérémie le prophète dit ainsi parle l'Éternel. La Bible n'a pas dit que quelqu'un est faux là-bas. Donc il n'y a pas le faux prophète Anani, il n'y a pas ça dans la Bible. C'est le prophète. Mais de quel prophète est-il? Où c'est, n'est-ce pas? Alors, un autre verset précis, le prophète des Gabaons. Maintenant, tu regardes dans la Bible, qui sont les Gabaonites? Les gens qui ont utilisé la ruse pour rester au milieu d'Israël. Et ce sont les Israéliens qui ont fait des contrats avec eux. Et Josué, le prophète, a prophétisé que tu seras esclave maintenant. Tu vas rester au milieu ici, tu vas puiser dans la maison de Dieu. Finalement, la maison de Dieu, ils sont dans la maison de Dieu, ils ont vu comment on fait maintenant, l'Esprit les a saisis, ils ont commencé à prophétiser aussi. Alors que Dieu avait dit clairement que c'est du peuple juif qui va susciter les prophètes. Il susciterait du milieu de vous un prophète comme moi, du milieu de tes frères. Donc les Gabaonites ne sont pas frères des juifs. Mais comment se fait-il que celui-ci s'est élevé au milieu de l'assemblée des juifs, il s'est prophétisé dans la maison de l'Éternel, un Gabaonite? Alors qu'il est prévu être un esclave pour couper de bois. Souvenez-vous de Josué chapitre 9, où ils sont entrés, Gabonais sont venus user des artifices pour les faire jurer. Pour qu'ils ne détruisent pas, parce qu'il était question qu'ils détruisent tous ces pays, Aïe, Og, tout ça, Bazan et tout ceci. Ils ont utilisé les ruses. Donc je vais dire tout simplement qu'ils sont au milieu de l'église. Comme vous avez vu là-bas, dans ce jude, verset 3, il s'est glissé parmi vous. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plus abandonnent la foi pour s'attacher à la doctrine. Il y a des gens qui vont se détourner leur rêve pour aller vers les fables. Vous voyez, n'est-ce pas? Les docteurs, faux docteurs, portant la marque de flétrissure, prescrivant de ne pas se marier. Donc, ça va se trouver au milieu de l'église. On dit, l'Esprit dit espérons que dans les derniers jours, c'est ce qui va se trouver. Frère, nous sommes en plein là-dedans. Pas vrai? Il peut avancer? Ok. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Actes des Apôtres, chapitre 26. Où l'apôtre Paul donne ce témoignage. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 38. Oui, dans ce verset 38, l'apôtre Pierre va commencer. Ça, c'est quand il est chez Corneille, en donnant le témoignage. Chez Corneille, il arrive au verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a honneur du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien. Du bien. Et faisant quoi encore? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Vous avez entendu ça? Qui était sous l'empire du diable. Je vais dire que la puissance satanique est réelle. L'apôtre Pierre disait que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et effectivement, si vous lisez le verset chapitre 13 de Luc, vous allez voir, on parle de l'histoire d'une femme qui est guérie le jour du sabbat là-bas. La Bible déclare qu'il avait un bosse, il était paralysé, il était maintenu comme ça. Jusqu'à ce qu'après avoir guéri, il tient au milieu de l'assemblée. Il dit que qui parmi vous, si les gars, une brebis le jour du sabbat, n'est pas retiré. Il dit, et cette fille-ci, qui est une fille d'Abraham, il dit, c'est Jésus qui dit que Satan a tenu lié pendant 18 ans. Ne fallait-il pas qu'elle soit détachée aujourd'hui? Est-ce que vous entendez l'oppression que Satan fait au milieu des gens? Donc vous passez en rue, vous voyez des gens qui ont certaines maladies, vous regardez comme ça, votre cœur peut vous quitter. Vous voyez les gens marchant au quotidien avec les pieds enflés. On dit l'éléphantasie. On a trouvé le nom maintenant. L'éléphantasie, c'est ça. Comme ça. Vous voyez quelqu'un qui a le cou qui est gonflé comme ça. Vous regardez comme ça, vous avez pitié. Et c'est un démon qui y habite. C'est un démon qui y habite. Voilà une femme qui était courbée comme ça, elle avait la bosse comme ça là. À l'instant, jusqu'à tu es délivré de cette infirmité, elle s'est redressée. 18 ans, elle était courbée comme ça. C'est frère. Voici quelqu'un dans Marc au chapitre 5, jusqu'à a foulé le pied de Gérénazien. Il est sorti du tombeau. On dit que même les faits ne suffisaient pas pour le lier. Personne n'osa plus passer par là parce qu'il avait des démons dans le sépulcre. Il avait un contingent de 6000 démons en lui. 6000 démons habitaient dans son corps. C'est jusqu'à venir le délivrer. Les démons encore supplient jusqu'à ce qu'ils ne nous permettent pas d'aller dans la ville. Qu'on ne soit pas du tout, qu'on nage dans les eaux, on peut entrer dans les poissons. Il leur a permis. 6000 démons. Ils ont maintenu la vie de cet homme-là. 6000 démons entrant dans un être humain. Donc il y a des gens comme ça qui sont dans les conteneurs des démons. Des conteneurs des démons. Est-ce que 6000 personnes peuvent entrer dans un camion? Ce sont des conteneurs qui font entrer, pas vrai? Donc, imaginez ton corps là comme ça là. Imaginez seulement. Allez commettre les péchés sexuels avec les gens, vous observez. Vous couchez avec une fille comme celle dont nous parlions là, vous observez. Actes des Apôtres chapitre 16. Je parle de la réalité de la puissance satanique. D'accord? Ok. Je vais toucher maintenant un autre aspect. Donc remarquez très bien qu'il y a des gens qui sont sous l'emprise du Satan. Des gens des maladies qui sont causées par lui. Des maladies qui sont comme cette femme-là, l'infirmité de cette femme-là. Comme cet homme de Guérinazé là qui avait les démons. Qu'est-ce que cet homme-là a fait pour que 6000 démons viennent dans son corps? 6000 démons. Il se maîtrisait. Il coupait les chaînes. Les démons. Acte chapitre 16, verset 16, en descendant. Allons-y. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, oui, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Stoppons là-bas. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui, depuis, j'ai glissé sur ça, resté dans le Nouveau Testament, un Thessalonicien, Matthieu, Marc, tout cela, pour qu'on puisse voir quelque chose. Parce que si on rentre dans l'Ancien Testament, c'est terrible. Cette femme-ci, on dit que c'est une servante. On dit qu'elle avait les maîtres. Donc, ça veut dire que, vous savez, avant, dans le Moyen-Orient et dans le monde occidental, voilà comment ça se passait. Vous pouvez acheter quelqu'un qui travaille chez vous. Ici, on a acheté une jeune fille, on lui a donné un esprit pour qu'elle serve, elle fait la divination. Et quand elle fait la divination, on lui donne de l'argent, elle procure un grand maître, un grand gain à son maître. Mais maintenant, l'argent, c'est l'argent qui est à son maître. C'est-à-dire que tu donnes 2 euros, 5 euros, il te fait des visions. Pas vrai? Mais maintenant, ça c'est l'argent physique que le maître gagne. Cet maître, ce qui est homme, qui a donné cet esprit, cette faculté pour que la femme voie? Qui lui a donné cet esprit? Alors maintenant, qu'est-ce que Satan gagne en retour? Qu'est-ce que Satan gagne en retour? Je suis en train de dire que Satan travaille sournoisement. Il faut qu'on identifie ses façons d'agir. Voici un être humain, dans votre village, et dans vous connaissez déjà autour de vous, qu'on a dit qu'elle devait devenir ministre. Elle devait être voyante. On a amené au champ, on a de l'huile, on a fait ces choses pour qu'elle devienne. C'est l'initiation. Au Gabon, c'est terrible. On te fait manger l'iboga. Tu vois les gens avec trois têtes. C'est quoi comme ça, l'iboga? Un arbre. Il y a des choses, des initiations qu'on fait ici, Ngondo, Ngondo et autres là-bas pour initier les gens. Bafoussam, c'est terrible avec les gens. Ils ont des choses qui dansent. On dit, comment vous appelez ça? Nyang nyang. Donc, tous ceux qui sont de nyang nyang sont possédés. Et presque la majorité des garçons qui sont de Bafoussam, qui sont de Bafoussam avec cette culture, on les fait dans les maisons traditionnelles, on travaille avec eux. Ils sont possédés. Ils leur font la délivrance. Nyang nyang. C'est terrible. Alors, voici donc, Jésus-Christ voulait vous montrer quelque chose ici dans ces versets. Ce maître-là, donne un esprit à une jeune servante. Pas vrai? La servante sert des relais pour faire les visions. Et que quand on fait les visions, on donne l'argent. On dit parce qu'en faisant ça, elle procure un grand gain à ses maîtres. La question maintenant, c'est d'où est-ce que ces maîtres ont pris ce pouvoir pour faire? Parce qu'il va aller quelque part là maintenant dans l'originalité de notre époque. D'où est-ce que ces maîtres ont pris ces choses? D'où, frère? On est d'accord? Il y a un supporter de Satan ici. Même si vous supportez, la Bible dit autrement. Pas vrai? Ok, maintenant. Voici donc cette femme-là qui va être délivrée. Intéressons-nous au maître et à celui qui domine sur eux. Quel est l'intérêt à ce que Satan lui donne le pouvoir pour que celui-ci ait de l'argent? Vous pensez qu'il n'a rien en retour? Regardons le doigt là-bas, Lévitique. Lévitique chapitre 19. Lévitique, le chapitre 19. Vous savez, s'il vous plaît, aidez quelqu'un dans la Bible là pour qu'on aille vite. Lévitique, c'est après Exode tout juste. On y va? Ok. Lévitique chapitre 19. Frère, papa, lis le verset 26. À haute voix, s'il te plaît. Vous ne mangerez rien avec du sang. Première partie. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Arrêtons d'abord là-bas. Chaque matin, vous entendez horoscope avant de sortir. Qu'est-ce que la lune a dit pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que les astres ont dit pour nous? La Bible dit, vous n'observez point de nuages pour en tirer des pronostics. Vous lisez un journal, page horoscope. Vous suivez le journal, page horoscope. Après la météo, l'horoscope. Qui est derrière? Cette personne qui part observer les nuages pour dire que Capricorne, vous êtes né entre telle période et telle période. Ce qui vous gouverne aujourd'hui, c'est que vous sortez, vous êtes mal barré. Votre couleur préférée, c'est le rouge. Étoile du jour, atome crochu, c'est ceci. Les gens sont conditionnés à vivre comme ça. Vous me suivez, frère? Alors, qui inspire ceci? Quand il fait comme ça, la page horoscope de ce soir, Yvan, qui lui a donné la révélation des 12 signes des zodiaques pour qu'il puisse savoir que voilà l'état d'âme des gens qui vont vivre aujourd'hui? Vous voyez très bien que Satan est à l'œuvre dans ce monde-ci, n'est-ce pas? Et maintenant, comment Satan va agir pour que vous soyez de son côté? Il suffit qu'il vous fasse quitter ce que Dieu a dit, vous êtes automatiquement de son côté. Donc, tous ceux qui écoutent l'horoscope, qui observent pour tirer des pronostics, j'ai ma chance aujourd'hui. Parce que, en fait, l'horoscope implique le PMIC. Vous savez, les paris mutuels. C'est-à-dire que la course. Mon étoile a dit aujourd'hui que je vais gagner le TSC. On pas jouer au TSC. Le simple fait de jouer au TSC, la Bible condense là. Il y a des pasteurs qui ont des TSC. Vous savez, des documents de TSC pour avoir de l'argent. Parce qu'ils croient que s'ils gagnent un jeu, un million, ils vont construire une église au Seigneur. Vous voyez là, on se trouve là, n'est-ce pas? Donc il veut gagner. Satan est en train de le piéger. Quand il fait ça, Satan donne un peu un gars, il voit, il trouve deux chevaux. Il dit que ah, j'ai raté le couplet là. Yeah, prochaine fois, on lui donne 100, mais Satan rit. De l'autre côté de la corde, il rit. Internet est bondé de toutes ces choses. C'est pour ça que ça trouve un énorme à Internet. Regardez. On parle, on dit la toile. C'est ça qu'on appelle Internet. L'autre bord, c'est la toile. Qu'est-ce qu'on appelle toile normalement? Dites-moi, frère, ouvrez la bouche. Normalement, c'est la toile, c'est quoi? La toile d'A? Ok. Ok. C'est-à-dire que la toile d'araignée est faite pour quoi? L'humanité est mal barrée, je vous dis. L'humanité est mal. Ok. L'araignée, sa propriété. Je sens de parler de Satan et de ses œuvres. Je ne suis pas encore. Je sens encore en surface. Parce qu'il va entrer. L'araignée place sa toile quelque part dans un coin. Il tresse, il tresse. Il part rester dans un autre bout. Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Que la proie tombe. Quand tu tombes là-bas, quand le filet bouge, ça envoie l'information à l'endroit où il se trouve. Il n'essaye pas de faufiler pour savoir où ça se trouve. Il va directement là où il y a la proie. Donc à l'instant où tu tapes sexe sur la pornographie, sur Internet, à l'instant là, tu es localisé par Satan. Et on envoie des messages pornographiques dans les boîtes email. Clique ici. Les messages des... Mon épouse avait reçu des trucs d'une certaine Isabella, c'est-à-dire que les voyants. Ça se passe partout, on envoie par email comme ça là, ils signent des contrats, ça envoie là. Quand tu signes, vous dites, quand vous cochez votre, vous vous enregistrez pour avoir la boîte email, il y a des choses que vous cochez sans vous rendre compte. Et dès qu'en signant ici, vous acceptez les applications de commerce de Yahoo, donc c'est-à-dire que Yahoo peut envoyer n'importe quel message publicité dans ta boîte. Alors Isabella qui est connectée avec Yahoo, envoie le message publicité. Votre thème, parce que quand vous enregistrez, vous mettez la date de naissance, votre nom. Après, on le communique là. Satan a eu l'humanité, je vous le dis. Alors, on a commencé à envoyer le message dans sa boîte. Si tu es fait comme ça, là, comme ça, il y a ton thème astral qui est en train d'arriver devant toi. Il y a des bonheurs qui sont en train d'arriver. Donc, envoie seulement ceci, sa carte magnétique. On prie pour toi. On lui a envoyé cela. Il a dit que laisse-moi répondre à cette femme-là. J'ai pris Lévitique, chapitre 19, qu'on a lu là. J'ai dit que tu es sous la puissance de Satan. Il lui a dit, quand j'écrivais ça, il dit que remarque très bien. À partir d'aujourd'hui, cette femme ne décrira plus. Et c'était la première et la dernière fois qu'elle écrivait. Depuis ce jour-là, elle n'a plus eu le message. Est-ce que c'est? Je lui ai écrit que. D'abord, j'ai commencé par écrire que. Je sais qu'après avoir lu ce message-ci, tu ne répondras pas et tu ne te manifesteras pas. Mais quand tu auras vu le message, tu seras averti. Donc, tu ne diras plus jamais que tu n'as jamais vu. Quand elle a lu, c'était terminé comme ça. Le message ne peut jamais devenir dans sa boîte. C'est comme ça qu'on a les gens. Quand tu ouvres ça, les gens sont entrés dans la sorcellerie tout simplement parce qu'ils ont vu des messages. Au Nigeria, vous allez dans les bus que vous voyez jaune dans la télévision, vous voyez, les messages sont clairement écrits. Vous allez à Ibadan, avant d'entrer à Lagos. Il y a un temple d'un certain monsieur là-bas. Le temple est tellement grand et c'est en rouge. À l'entrée, il y a la gueule d'un serpent. Il a écrit clairement, tu veux la richesse, les bénédictions, n'importe quoi, c'est ici. Les gens viennent, ils rentrent là-bas à la gueule du serpent. Ils sont là-bas, au Nigeria. Et c'est en pleine ville là. Si tu veux entrer dans la société secrète, comme ça, pour avoir le pouvoir autre, là, numéro là, appelle le numéro aussi, on appelle. Donc, l'Internet, le net, c'est le filet. Donc, le filet international. Le filet international. Voici donc la Bible qui est le filet pour amener les âmes à Christ. Satan a fait sa Bible, l'Internet. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on appelle toile. Alors, quand tu te cliques comme ça, là, clac, tu tapes www, Satan sent que ça, c'est quoi? Est-ce que c'est ici? Vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Le monde et tout ce qui se trouve appartient à l'Éternel. Pas vrai? Je recommence encore ceci. Pourquoi c'est ici? Vous me regardez comme ça que on a pu avoir la télévision, on peut avoir ceci. Je suis en train de vous montrer seulement que leurs œuvres sont derrière. La pièce de monnaie, la pièce d'argent, les filets, tous les objets qui existent, Satan n'a rien créé. Il n'a absolument rien créé. Mais il utilise toutes ces choses qui sont des créations de Dieu pour pervertir. Il faut qu'on soit seulement outillé pour être avec le créateur de ces choses-là. Pas courir derrière les créations. Est-ce que c'est ici? Donc ici, voici donc cette femme, dans le chapitre 16, parce qu'on va revenir là maintenant. Dans le chapitre 16, qu'on dit clairement que c'est un servant. Quand nous allons au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit, la Bible est claire, elle avait l'esprit du Python. Donc c'est un esprit réel qui, en devinant, procurait un grand gain à ses maîtres. Pas à son maître, à ses maîtres. Donc c'est une association de malfaiteurs spirituels. Alors, les maîtres sont les maîtres humains. Qui est-ce qu'il a accordé le pouvoir à ces maîtres-là de pouvoir donner de l'onction à cette femme-là? La Bible nous dit dans ce verset 26 de Lévitique 19, en première partie, que vous ne mangerez rien avec du sang. Beaucoup d'initiations sont faites à partir du sang. On vous coupe la poulet, le poulet, on verse le sang, on dit si tu vas avaler le cœur pour que ça aille en toi. Et tu pars, si on fait la radio, on ne voit plus cela dans ton corps. C'est terminé. Ok, maintenant. Après la deuxième partie dit, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. D'accord? Verset 31. Frère Lee, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Écoutez. Continuons. Ne les recherchez point. Vous avez entendu, frère? De peur de vous souiller avec eux. Stop. C'est là où je voulais en venir. Il dit de peur. Donc, c'est la conséquence. Qu'est-ce que Dieu a d'appeler par de peur de vous souiller avec eux? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Seigneur dit quoi par de peur de vous souiller avec eux? J'arrête la prédication. Vous êtes fâché de moi? Contaminé. Être contaminé. C'est-à-dire que vous prenez le même déchet. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, chapitre 10, et chapitre 10 particulièrement, il dit, ne murmurez point comme c'était un murmuré et qui tombait dans le désert. Il dit, que vous dirais-je? Qu'un leader est quelque chose? Non. Il dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec un des démons. Alors maintenant, il dit, la viande est sacrifiée aux démons. Ce n'est pas ça. C'est ça qu'il veut dire, que tout ce qui est comme création dans le monde, c'est pour Dieu. Mais la viande qui est mise sur l'autel, il dit, voici l'autel qui est pour, par exemple pour Moloch. À l'instant, on a pris la biche que c'est Dieu qui a créée. On met là-bas, on sanctifie à Moloch. Tu manges cette viande ici, ce n'est pas la viande qui est le problème. Tu peux sanctifier et manger, ça ne crée pas de problème. Mais il dit, je ne voudrais pas que vous soyez en communion avec la personne qu'on adore derrière l'autel. Vous savez, c'est ça? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec cette personne qui est là parce qu'il nous donne quelque chose. Notez Jérémie chapitre 10. Notez Jérémie chapitre 10. Vous allez lire cela là-bas. Donc, on va y revenir dans ce message, dans la deuxième partie. Regardez. Donc, l'apôtre Paul dit donc qu'il ne veut pas que vous soyez en communion avec les idoles. Avec les démons. Or, les démons, donc, ont donné des formes religieuses extérieures aux êtres humains, l'idolâtrie et les images taillées. C'est ça qui est partout dans toutes les religions. Vous allez voir comment Dieu va les insulter dans ce Jérémie chapitre 10. Quand on les met les étoffes bleues, on les met comme ça sur le clou pour qu'ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas même pas sauver. N'ayez pas peur d'eux. Donc, Satan a infiltré toutes les cultures, toutes les couches de la société. En fait, souvenez-vous de ceci, il est plus vieux que le monde. Donc, c'est un ancien vieillard. Il connaît tout le monde sur la terre. Il dit, je vous dis quelque chose. Quand l'une des personnes va témoigner, vous allez entendre ce qu'il a dit. C'est que le frère qui a eu cette incantation avec le démon. Il m'a vu vous donner des expériences. Donc, voici cette femme-ci, elle a l'esprit des pitons pour deviner, pour procurer grand gain. Et Dieu interdit effectivement la divination. Il y en a plusieurs endroits dans la Bible. D'accord? Interdit la divination. Il dit, ne les recherchez point. Donc, tu peux avoir besoin d'aller savoir quelque chose pour le futur parce que Dieu a fermé le futur à l'être humain. Pour qu'on lui fasse confiance, pour qu'on marche dans le futur par la foi. C'est pour ça qu'il a fermé le futur. Mais les problèmes et les péripéties de la vie nous poussent souvent comme ça. Tu restes comme ça, tu dis que je suis venu m'accompagner quelqu'un sur la terre ici. Ma part, ma direction, c'est où? J'ai marqué la face de Makiro. J'ai ton voisin, même la face de Mungasek. Jusqu'à ce que tu comprennes que tous ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Vous savez, n'est-ce pas? Quelqu'un contrôle le futur. C'est pour cela que dans le stick, dans le cadre des recherches des futurs, les gens sont allés vers la divination. Et maintenant, voici pourquoi donc je venais sur le nez et sur l'horoscope. Vous allez voir dans vos SMS, on vous dit, pour connaître l'âme sœur, envoie amour et votre prénom suivi au 80-80. 80-80, vous voyez une femme sortir la bouche, le vote de l'âme sœur, donc l'âme sœur, écoutez, l'âme sœur, donc l'âme qui est sortie de toi, se trouve par internet, on va te donner ça. Alors, on veut te connecter avec les chats. Tu veux chatter avec quelqu'un? Quelqu'un en ligne veut chatter avec toi. Le chat. Je suis en train de chatter. Ado cœur, bonté cœur, amour cœur. Il y a des noms là. Alors, tu te connectes. Tu te connectes avec qui? Qui est derrière? J'ai ma ouate là sur la toile que j'ai eue. La ouate est de l'autre côté. T'as eu. Toi, tu es ici, tu l'as eu. Et les gens sont surpris qu'ils se mettent dans une histoire qui ne peut plus s'en sortir. Beaucoup de vos soeurs qui sont quittées ici par internet pour aller ne veulent même pas rentrer ici parce qu'ils sont souillés. Et ça, c'est ce qu'ils leur font là-bas. Beaucoup partent comme ça, pas coucher avec les chiens. Beaucoup partent coucher comme ça avec le serpent. Mais ils ne peuvent pas vous dire. Mais quand ils sont comme ça, parce que lorsqu'on est là-bas, on signe serment que tu parles. Le jour où tu parles, tu meurs. Alors, elles ont déjà vendu leur âme aux diables. Maintenant, elles peuvent coucher avec le serpent, embrasser le serpent. Je vais vous dire seulement des choses. Cette femme-ci, en procurant des guerres, les âmes de tous ceux qui les convoquaient, les consultaient, étaient automatiquement au diable. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'est ici? Donc, physiquement, tu as une réponse. Spirituellement, tu es fichu. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir ce que ma grand-mère, si ma grand-mère me reprochait quelque chose quand elle était vivante. Grand-mère, je suis détesté, toi. C'est le grand-mère qui dit comme ça dans le spirituel. Je suis détesté, toi. Qu'est-ce qu'il faut faire, grand-mère, pour qu'elle t'assoie? Va donner un corps au vouri. Tu pas au vouri, pourquoi on te sacrifie? Vous savez, vous asseyez à vous, les gens viennent faire, là où on baptise, les gens viennent faire des sacrifices là-bas. Il dit qu'on peut faire comme ça, grand-mère. Donc, tu as enterré grand-mère au village, se trouve la rouvrie. Il faut aller faire là pour que je sois apaisé. Les esprits captivent les gens. Je vous dis que les esprits sataniques sont réels et ils sont en train d'œuvrer dans les traditions, dans le high-tech, dans les. Je vais parler. Rappelez-moi seulement que je parle de l'aspect de l'intellectualisme, c'est-à-dire de l'école. On va les retrouver là-bas. Donc, les programmes scolaires, de la science naturelle. C'est la science naturelle que les professeurs de sciences expliquent à nos enfants. De la science naturelle que les professeurs expliquent à nos enfants à l'école. Les théories de Darwin, de l'évolution. C'est fini. Les professeurs de sciences vont démissionner. Alléluia. Amen. C'est grave. Attends, comment on faisait? C'est grave, c'est mal ici. Alors maintenant, tu as ton livre, parce que le professeur de science qui est au milieu de nous, il a son livre devant lui. On explique clairement que l'être humain, et c'est lui qui est censé enseigner ça, que l'être humain a quitté des batraciens. S'il rate là, parce que j'ai le droit de rater des choses de Satan, mais les choses de mon Dieu, il n'y a pas le droit de rater. Que les êtres humains sont quittés des batraciens vers le poisson, mais c'est parce que les choses qu'il nous enseigne là-bas, c'est pas ça, frère. Ça, c'est la théorie de l'évolution. Maintenant, tu es devant ça. Tu places ça ici, tu places la Genèse. Le livre de la science de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et là. Et il a dit au verset 11 que chaque plante porte les semences en lui-même, reproduisant de la même façon. Et si on dit qu'ils ont évolué, voici maintenant, papa, t'inquiète dans le problème. Tu enseignes ce qui est vrai, on te dit, tu es antipédagogique. Faut que tu quittes. Tu enseignes ça, tu es antipédagogique du côté de Dieu. Et l'être humain est barré entre Dieu et Satan. Alors, cette femme, ce qui devenait dans ce chapitre 16, les gens venaient. J'ai un problème, j'avais un problème de kyste. Et la femme, quand elle te donne le remède, c'est fini. Elle te donne, c'est fini. Physiquement, c'est fini. Spirituellement, tu es fichu parce que tu t'es connecté aux puissances démoniaques. C'est ce que Dieu a dit dans le Lévitique, chapitre 19, verset 31. Chapitre 20, maintenant, le verset 6. Le même Lévitique là. Chapitre 20. Donc, je vais vraiment m'arrêter là pour la première partie, d'accord? On va continuer, si Dieu le permet, la prochaine fois. Souvenez-nous, nous, on a l'étude de l'épierre qu'on a commencé. On n'a pas achevé. Donc, le verset 6 du chapitre 20 dit quoi, mon frère? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, oui, pour se prostituer après eux, oui, je tournerai ma face contre cet homme. Oui. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous avez entendu ça? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, donc avis aux Bamiléké, tous ceux-là qui vont au village. Vous savez, dans les films, ça se passe partout. Vous voyez, chez les Blancs, c'est le culte des morts modernes. À un moment donné, vous voyez comment on fait le recueillement autour de la tombe. La veuve encore avec les enfants, ou ça. Elle pleure encore, même les trucs avec le voile là. Elle pleure encore, dépose les fleurs. Chez le Bamiléké, on fait les imprécations, on verse le vin. Papa, il n'était pas oublié. Bois le vin aussi. Il veut toujours davantage. Donc, il vient le goutte de vin au sol. Son père de vivant buvait le vin dans de l'assiette. Il verse maintenant au sol pour qu'il vienne lécher. Et personne ne réfléchit que c'est des abominations. Dieu dit ici que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, tu te prostitues, donc tu es allé vers d'autres dieux. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4, qu'en réalité, il n'y a pas d'idoles dans le monde. Il dit, s'il y a des êtres dans les cieux, remarquez bien là, comment l'apôtre Paul dit qu'ils sont dans les cieux. Dans les cieux et sous la terre, qui sont appelés dieux, comme en réalité, il y a plusieurs dieux, donc il y a plusieurs dieux, plusieurs divinités. La Bible donne un tas de noms. Dagon, Moloch, il y a tellement de noms là-bas. Le nom de ces dieux que les gens adorent. Vous pensez que ces gens n'ont pas de bénéfices derrière en adorant? Regardez comment il a fallu que les juifs prennent position pour la persécution au nom de Dieu. Ils ont dit jamais. Quand on servait la reine du ciel, on avait du peur. Ton Dieu là va avec lui. Il faut que vous guerriez, qu'on va aller en captivité. Quand on servait la reine du ciel, on avait notre gâteau ici, dans Jérémie. Donc la reine du ciel, Marie, c'est ce qu'on appelle Marie Astéra là. Là voilà qu'on sert aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont riches. Ils ont de grands, vastes terrains. Il n'y a pas un endroit où les catholiques ont en place, mes chers amis. Il n'y a pas d'endroit. Quelque chose en est d'arriver sur la terre vraiment. Alors maintenant, la puissance satanique va au fur et à mesure être révélée. Et les choses qui les amènent sur la place publique, c'est le sang et les iniquités. Les divinations, comme ça, sont des choses abominables qui amènent ces choses-là sur la place. Et ça pousse Dieu à agir. Parce que chaque fois qu'on a agi dès le passé, il agira de la même façon. Dieu dit que si on s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, imaginez combien de centaines de millions sont déversés seulement pour le Dieu à l'ouest du Cameroun. Imaginez seulement. Imaginez seulement. Vous êtes dans la famille, vous souffrez. On a tellement de gens dans la famille qui peuvent vous nourrir, vous envoyer à l'école, les enfants qui ne fréquentent pas. Mais pour le deuil, ce que vous appelez les restaurations des crânes, les funérailles, on a corrigé depuis le funérail la dernière fois. Les gens sont prêts à dépenser 5 millions. Jusqu'à ce que tu n'assistes pas en donnant ta contribution, on te marginalise dans la famille. Pour qu'on pas frère, on tape le tam-tam-tam-tam-tam-tam. Oh, oh, papa, qui est papa? Il est mort 5 ans après. On a mélangé son deuil et le grand-mère pour pleurer. 5 ans après, on a dépensé 5 millions. Pour aller. Et quelqu'un qui est de la France, il paye les avions pour venir comme ça, pour assister au funérailles. C'est ça. Après qu'ils rentrent comme ça, les gens continuent à souffrir. Pourquoi? Ils sont dans les ténèbres. Et la seule façon pour que les gens qui les ténèbres, c'est que l'évangile arrive là-bas. Souvenez-vous quand on a décapité Jean-Baptiste, quand le Seigneur est allé dans le territoire des Zabulon et des Naphtali, on dit que c'était afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète Esaïe au chapitre 8. Le peuple qui était assis dans l'ombre de la mort, ceux qui sont dans les ténèbres, voient un grand lieu. Mmh. Ils sont embordés là, ils savent quoi. Mais ils regardent comme ça, mais ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu envoie l'évangile pour que toute personne qui était dans cette rite de tradition-là, pour qu'on puisse en sortir. Ce n'est pas un débat. Une autre chose que les satanistes ou bien les agents de Satan dans le monde entier, quand ils parlent des agents de Satan, ils ne parlent pas de ceux qui s'affirment servir Satan. C'est qu'il y a des pensées sataniques. L'enfer et le paradis, c'est sur la terre. C'est un esprit antique qui s'en est parlé. Parce que Dieu a dit clairement qu'il y a un enfer qui brûle. Il a dit clairement qu'il y a un paradis où le brigand qui était à la croix est entré. Ce n'est pas sur la terre. Donc l'enfer et le paradis n'est pas sur. Voilà. Donc c'est un esprit antique qui aide-toi et le ciel. Qui a inspiré qui a donné ce genre d'esprit là. Donc je veux dire, quand il parle de satanisme, je ne parle pas de gens qui s'affichent servir Satan directement. Donc que quelqu'un ne serve pas Jésus-Christ, qu'il le veuille ou non, il est du côté de Satan. Alors donc, quand je dis donc, dans ce monde-ci, quand les gens sont dans ce cas-là, l'une des choses que les gens disent, c'est que qui a donné le pouvoir au marabout? Quand on parle chez le marabout, je suis allé chez le marabout. Les gens ont le témoignage. Les gens ont le témoignage de ce qu'ils disent être vrai. Dans ces actes des apôtres, chapitre 16, si vous lisez effectivement ce que la femme va dire, elle va dire vrai sur Paul et Jean. Il dit ces hommes-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Donc ils reconnaissent, voilà le démon qui dit que Dieu est en haut. C'est un démon ancien aux gens, ici qu'il n'y a pas de Dieu. Il dit qu'il vous annonce la voie du salut. Pour vous dire que sa voix qu'il annonce, c'est la voie de la perdition. Parce qu'il n'annonce pas le même évangile. C'est la Bible déclare Paul fatigué. Il fit ça pendant plusieurs jours. Paul fatigué dit à l'esprit, ordonnant à l'esprit de sortir d'elle. À l'instant, est sorti. Maintenant, quand cet esprit est sorti, va encore la femme dit que je vais contacter ma grand-mère. Il dit grand quoi? Grand-mère. Parce que vous ne parlez plus la même personne. C'est pour cela que son Élie dit il faut qu'on identifie les gens contre qui on combat. Alors si plus tard maintenant tu dis. J'ai des témoignages des pasteurs ou bien des frères qui ont été dans le satanisme, particulièrement les musulmans. Ah, c'est pas vrai. La puissance satanique. J'ai un ami particulièrement, quand on était en quatrième, j'aimais une fille en quatrième. Vous savez, comment la femme, si elle regarde ma femme maintenant, elle rit. Même si elle fait n'importe quelle faute là, est-ce que ma femme va me culpabiliser? Est-ce que c'était pour maintenant? N'essayez pas de croire un instant que je suis sorti du ventre, tombé dans la Bible, sorti de la Bible. Jamais. Chacun a sa part de boue dans le monde. D'accord? Voilà, ça dépend du style d'eau que Dieu t'a lavé avec. Alors, cette fille, je l'aimais. J'avais un ami aussi qui est musulman. On s'entendait bien. Il m'aimait beaucoup parce que quand on écrivait, il trichait, j'écrivais, composait pour eux. Donc, si vous entendez la bêteté, quand la Bible déclare que Dieu a refusé l'intelligence à l'autruche là. Il ne connaissait vraiment rien. Donc, on l'avançait seulement comme ça. Ce qui fait que J'avais les... Vous savez, on a toujours besoin de l'un et de l'autre. J'étais pauvre, lui il était riche. J'avais mon intelligence, il avait son argent. Donc je mangeais son argent, il bouffait mon intelligence. Mon père t'a dit c'est tout. Donc c'est comme ça. Donc c'est la communion fraternelle là-bas, frère. Donc, je vais vous dire, je suis en train de parler de la puissance, de la réalité des puissances ténébreuses. Je me rendais compte qu'il couchait avec presque toutes les filles de l'école. J'étais étonné. Ça, nous sommes en quatrième. Et c'était ma première fois d'aborder le lycée parce que je n'ai pas fait la classe de 5e ni de 6e. Donc j'étais étonné de ce qui se passait autour de moi. Cet garçon-là, je suis allé chez lui. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, il est musulman. Ils ont un tableau là, ce tableau en planche qu'ils font là. Ils ont des choses là. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas prononcer, d'accord? Ils ont des choses, des langues. Le frère Amado, il est musulman, il est là avec les questions. Il met le truc dans l'angle comme ça, il écrit sur le tableau. Il a fait ces choses-là en traduisant le nom d'une fille. Il a fait ça devant moi, j'ai vu. Il traduit, il dit que c'est quelle fille que tu veux que je fasse qu'elle vienne ici. Il dit, telle fille. Il a mis l'encre dans le truc là, le crayon là, dans l'encre, il a fait écrit. Il a fait les prières, il a mélangé avec les urines. Verset, fait 7 fois le tour de la maison, appelé. On s'est assis là, la fille est venue. Il m'a dit, vous savez, je mourais d'amour pour la fille là. Pas celle qui est venue, parce que je n'ai jamais donné le nom là-bas. Il a dit, si tu veux, c'est ici que Satan tient beaucoup de personnes. Cela dit qu'il y a une preuve de la réalité devant toi. Après, il dit maintenant, engage-toi. Vous allez chez un marabout, on dit que non, le marabout ne prend pas l'argent, il va seulement chez les 5 francs. Il faut que ton empreinte soit là. Et même si tu ne donnes même rien, tu as vendu ton âme. Que non, quand moi je soigne, c'est après si tu peux venir me donner que tu me donnes quelque chose. Ouais, écoutez le langage. Alors, il a dit que si tu veux, il fasse venir cette fille-là, il fait venir. Il dit que non, il va pas. Frère, je vous le dis, même maintenant je suis devant vous, je ne sais pas ce qui m'a ouvert la bouche pour dire non. Parce que vous savez, dans le monde, quand vous mourrez derrière une fille, un frère Ferrand. Hein? Quand vous mourrez derrière une fille, c'est que vous êtes prêt à faire. Mais quelque chose m'a bloqué. Parce que c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Quand il fait ça, après il te chasse, tu ne peux même pas aller. Il fait encore quelque chose. Quand il t'appelle encore, tu ne viens plus. Après, il se moque de toi. Ça, c'est un musulman qui fait. Ils font cela. Beaucoup de musulmans font cela avec de l'argent. Ils invoquent l'argent. Vous allez dans les boutiques des gens, vous appelez Maliens ou autres là-bas. Les boutiques sont toujours pleines. Il y a des choses qui font comme une incantation pour que ça vienne. Vous allez dans les restaurants, je vous avertis là maintenant. Je suis appelé à dénoncer les œuvres de Satan. Vous allez dans les restaurants, vous appelez les restaurants des Sénégalais. Restaurant sénégalais. Ma femme est au courant parce qu'on est entré plus en plus de restaurants. Je dis, observe tes choses. Je dis, allons, observe tes choses. Ils ont des remèdes qui déposent quelque part pour attirer les clients. On est allé, je ne sais pas où on était quelque part. Je ne sais pas s'il y avait avec une autre personne. Je me suis tenu au carrefour. J'ai dit, on devait aller acheter la nourriture à une personne. J'ai dit que cette femme-là, j'ai dit à ma femme qu'on n'allons pas vers cette femme, elle a utilisé le remède pour attirer les gens. Allons plutôt vers celle-ci. On est allé, on a mangé à côté de elle, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit qu'elle a sous la, sa mamie, un truc qu'elle a déposé sous le carton. Et les gens sont debout. Vous êtes surpris comment cette femme-ci, elle est là debout. Elle dit que c'est toi qui lave, toi qui veux acheter. C'est toi qui laves ton assiette. Les gens sont là. C'est moi qui étais le premier, c'est moi. Une autre personne ici de ce côté-ci, il a la même nourriture. Elle reste au Wanda, c'est moi sur la personne comme ça. Mais, qu'est-ce que les gens ont de spécial dans cette nourriture? Ils ont été captivés. Est-ce que vous saisissez? Alors maintenant, vous, que cette chose-là attire, vous mettez votre argent là-bas. Où est-ce que votre esprit se trouve? Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors, vous êtes chrétien, vous êtes Alléluia. Tu crois que les lois vont faire que les clients viennent? Tu ouvres tes yeux sur du côté là où on a fait les incantations, que les clients viennent. Tu pries, après tu dis Seigneur, tu as dit qu'il serait la terre dans l'accueil, il a dit qu'il ne sait pas dire la nourriture. Donc il faut qu'on fasse attention. C'est des telles choses comme ça. Quand vous lisez le psaume 73, quand Asaph, le prophète Asaph a dit que quand il voit normalement les gens qui insultent Dieu, réussissent, prospèrent, il dit son cœur allait fléchir. Jusqu'à ce qu'il a pris garde et Dieu a donné la révélation, il a vu la fin finale des méchants. Ces gens-là finissent toujours très mal. Parce qu'il veut vendre. Tu vends l'huile. Et tu vas avec le remède, tu vends le soya, tu vas avec le remède, tu vends ceci. Observez maintenant. Observez. Entrez chez les gens qui font les restaurants, qui font les fruits, les œufs, les aoussas. Je vous donne maintenant le défi. Entrez dans les restaurants, observez les 4 coins de la maison. Observez le toit, vous allez voir qu'on a attaché une boîte en haut. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes-là? Pourquoi ils en attachent? Vous mangez là-bas, Aladjila, hein? Le soir, minuit, deux, Aladjila a fermé, où on vous a eu. Frère, on est mal barré. On est mal barré. Et sur le marché, il y a des gens qui vendent la viande, les viandes humaines. Ils sont là comme ça en journée. Vous achetez les viandes humaines sans vous en rendre compte. Le monde actuel est sur la puissance du malin. Donc Dieu dit ici, dans ce Lévitique chapitre 20, verset 6, il dit que personne n'évoque les morts ni les esprits. Ne les recherchez point de peur de vous prostituer avec eux. Si quelqu'un fait de telles choses, il les retrancherait du milieu de son peuple. C'est la promesse que Dieu a donnée. Sur Internet maintenant, à la télévision, vous voyez la voyance à distance. Appelez. Je m'appelle Karim. J'habite en île de la Normandie. Oui, quel est votre problème? J'ai le problème avec Patrick. Attendez, je craque votre thème astral. Patrick, il a les yeux verts, pas vrai? Oui. Patrick va vous appeler. Wow, merci beaucoup. Après, ce soir, Patrick m'a effectivement appelé. Frère, c'est les manipulations spirituelles. C'est les manipulations spirituelles. C'est-à-dire quoi? La puissance de Satan est réelle. C'était un archange, comme Ézéchiel le dit, aux ailes déployées. Donc, il y avait beaucoup de domination. Quand Dieu l'a fait chasser, quand Dieu l'a chassé du ciel, il n'a pas enlevé un seul brin de sa puissance. Il l'a chassé avec la totalité de sa puissance. C'est là, n'est-ce pas? Vous saisissez, frère? Ok. Donc, ça veut dire que Satan est assez puissant pour détruire les êtres humains. N'eût été la grâce du Seigneur Jésus. N'eût été sa protection. Donc, quand quelqu'un table, que Satan ne peut rien faire. Il est du côté de Satan. Satan ne veut même pas de lui. Est-ce que vous comprenez? Vous me saisissez, frère? Donc, Satan est réel. Ses puissances sont réelles. Pas que ses puissances doivent effrayer. D'accord? Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 10 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, pas sur l'ennemi, sur sa puissance. Donc, ils peuvent venir par un chemin, mais la Bible a promis qu'ils vont aller par sept. Il a promis qu'ils vont venir. D'accord? Et il y a une promesse merveilleuse qui se trouve dans le livre de Romains au chapitre 16, verset 20. Dans le livre de Romains au chapitre 16, il dit qu'on va revenir parce qu'il va conclure là maintenant, parce qu'on ne reçoit plus beaucoup. Dans le livre de Romains au chapitre 16, verset 20, la Bible déclare que le Dieu de paix, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. On a dit qu'il va écraser Satan sous vos pieds. Oui. Dis à ton voisin, vos églises que vous chantez ceci. Satan de fofo dans haut. Macham, macham. Dis que c'est Dieu qui va macham, macham. Ce n'est pas toi qui va macham, macham. Parce que la Bible nous a dit qu'il est plutôt en l'air. Il est le prince de la puissance de l'air. Pas de terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on va venir pour la deuxième partie de cet enseignement pour entrer dans les profondeurs. On va voir depuis quand les divinations entrent en scène et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse bien. Hein? Que Dieu vous bénisse.